Jidérienne. Jidérien, bonjour Bonjour. et joyeux Noël. Et joyeux Noël. Peux pas le faire en même temps? Jidérienne. Jidérien, Bonjour. bonjour et Et joyeux joyeux Noël. Noël. C'est quoi Ryutama? Donc, Ryutama est un jeu de rôle avec MJ qui a été édité par Lapin Marteau et qui nous invite à incarner des voyageurs qui vont découvrir la beauté de la nature, notamment aux côtés de dragons. L'ambiance du jeu se veut résolument positive et plus tournée sur l'émerveillement, la découverte que sur le combat. C'est un jeu qui nous vient du Japon et où l'on retrouve tout ce qui nous émerveille dans le Japon et dans les mangas, notamment tout ce qui est le côté Ghibli. Les joueurs incarnent donc des voyageurs qui vont avoir des classes de personnages, comme par exemple les artisans, les nobles, les fermiers, le guérisseur, entre autres. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on crée un personnage? La création de personnages se déroule en répartissant des points dans des caractéristiques, au nombre de 4. Ça va très vite. Et on se retrouve quand même dans un jeu de rôle, on va dire, à l'ancienne, avec le fait de pouvoir mesurer l'équipement et l'encombrement de cet équipement, et on passe beaucoup de temps à essayer de peaufiner son personnage, ce qui est assez logique puisque notre personnage est un voyageur et il va bien falloir forcément gérer ses voyages. Et donc les rations, l'encombrement sont des éléments très importants pour ce personnage. On va avoir aussi des talents qui sont déjà prédéfinis au départ. Talents qui vont nous permettre d'avoir soit des bonus passifs, soit des bonus que l'on va pouvoir activer en fonction des situations. Et comment se résolvent les actions? Alors très simplement, en fait, il va falloir faire la combinaison de deux caractéristiques, chaque caractéristique étant représentée par un dé. Quand on va devoir résoudre une action en combinant ces deux caractéristiques, on jettera les deux dés correspondants. Si on a une caractéristique au D4 et au D6, on jettera un D4 et un D6 et on fera la somme. Le MJ, de son côté, doit définir un seuil à atteindre afin de réussir les actions. C'est très simple, c'est efficace, et pour les débutants, on ne se pose pas la question de bonus, malus à appliquer en fonction de son niveau, mais on lit directement sa fiche et on suit simplement le dé que l'on doit lancer. Et ça se passe comment du côté du MJ? Alors du côté du MJ, il y a une petite particularité dans ce jeu. C'est que bien évidemment il est MJ, mais il va être aussi joueur puisqu'il va avoir un personnage qui s'appelle l'homme dragon. Cet homme dragon, en fait, va suivre les personnages des autres joueurs et aura pour objectif de raconter l'histoire et l'aventure de ces personnages au dragon qu'il représente. Ils peuvent être de 4 couleurs, orientant le type d'histoire. Le dragon vert est plutôt basé sur le voyage, le dragon noir plutôt, par exemple, sur le drame et la trahison. Plus le MJ va faire de partie avec cet homme dragon, plus il va monter lui aussi en compétence et il va y avoir une genre de synesthésie entre le joueur qui est le MJ puisqu'il va devenir de plus en plus compétent et son homme dragon puisque son homme dragon va gagner ce que l'on appelle des souffles, c'est-à-dire des actions qui vont pouvoir influer sur le cours de l'histoire. Et comment s'est déroulée la partie? Alors la partie s'est déroulée plutôt très bien. Puisqu'on a eu la chance d'avoir une MJ débutante, et le jeu se veut pour être fait pour justement des MJ débutants. On a joué un des scénarios officiels, ce qui nous a permis en fait de vraiment tester le jeu. Le scénario était très franchement très classique, mais ça ne nous a pas empêché en fait de bien nous amuser tous ensemble et de passer du bon temps. Et au final, vous en avez pensé quoi? Donc on vient de finir la partie de Ryutama en compagnie de Pad. Bonjour Pad. Bonjour. De Paul. Bonjour. De Camille. Bonjour. Et de Kimi. Bonjour. On a deux nouvelles personnes sur le podcast, donc Pad et Kimi. Ça ne va pas dire qu'on ne va pas présenter encore Paul et Camille, mais on va donner la parole à Kimi pour savoir qui elle est en tant que rôliste, ce qu'elle aime. Je fais du JDR depuis que j'ai 13 ans. Ça fait 13 ans en fait que je fais du JDR. Je suis plus orientée horrifique enquête, mais j'ai commencé avec de la fantasy, un peu comme tout le monde. Et j'ai pas mal masterisé sur Cthulhu. Et pour toi, Pan? C'est un peu plus récent, ça fait 5-6 ans que je joue et ça fait 3-4 ans que je masterise seulement. Et en général, je masterise beaucoup de Medfan, D&D, Toulouse aussi. Pour toi, Camille? Bah moi, du coup, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je me suis mise au jeu de rôle. Jusqu'à présent, très peu fait de Medfan, mais c'est a priori ce que je préfère. Mais j'ai testé tellement de choses à côté qui étaient intéressantes que... Et pour toi, Paul? Donc pour moi, ça sera plutôt du jeu d'horreur contemporain, bien que ces derniers mois, je m'essaye à des jeux un peu plus contemplatifs. Donc on est d'accord, autour de la table, il y a de l'horreur contemporain et on a joué à Ryutama. Exactement, mais ça peut être terrifiant, Ryutama, ça peut être terrifiant. On va le voir. Alors pour commencer d'abord, est-ce que la partie vous a plu? Oui, très bien. C'est découvert pour moi et non, le jeu est très très bien. Pour toi, Paul? La partie s'est très bien passée. J'avais beaucoup entendu parler de Ryutama, donc ma découverte a été à la hauteur de mes attentes. Pour toi, Kimi? Ouais, ça a été. C'est sympa, c'est ultra mignon et tout gentil et tout, donc ça change. Et ouais, franchement, c'est une bonne ambiance. Alors pour ma part, moi j'ai bien aimé aussi la partie. Alors j'ai une petite histoire un peu compliquée avec Ryutama, mais peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Et non, moi j'ai passé un super moment, franchement, je me suis bien éclaté. Ce petit côté kawaii, je pense qu'on l'a pas mal utilisé, ça donne une bonne ambiance à la table. On en parlera, je pense, aussi un peu plus tard. Mais c'était vraiment une très très bonne expérience. Et est-ce que toi, Camille, qui était donc notre MJ, ça t'a plu, ça t'a satisfait? Du coup, moi, voilà, comme c'était la petite info à avoir, c'est qu'en fait, c'était du coup mon premier mastering. Donc, et du coup, le jeu en lui-même, de ce que j'ai lu, en fait, le livre, j'aime beaucoup, même si voilà, j'ai des choses à redire, mais dont on parlera très certainement plus tard. Après, pour ce qui est de la partie, voilà, le scénario, du coup, c'était le scénario d'initiation. Bon, je pense qu'effectivement, comme scénario d'initiation, ça reste franchement correct. Un bon aperçu, un bon premier aperçu. A priori, c'est un jeu qui me plaît beaucoup, mais voilà, à faire des choix sur les règles. On va revenir dessus, c'est sûr. Donc c'est vrai que Ryutama se présente comme étant un jeu pour MJ débutant. Donc ça tombait super bien, puisque tu débutais en tant qu'MJ. Donc on va aussi avoir des questions qui vont porter sur ça. Parce que c'est important d'avoir ton retour concret et très clair sur est-ce que ça a été un jeu qui était vraiment fait pour les MJ débutants ou pas. Sachant que Paul et moi, on a également lu le jeu, donc on pourra aussi apporter de l'eau à ton moulin. Mais, et donc, pour les personnes qui nous écouteront, on va risquer de parler de la fiction. Donc, il risque d'avoir des gros spoils sur le contenu du scénario. Donc, on vous prévient. Ceux qui veulent le jouer, n'écoutez pas le podcast. Écoutez-le après. Ou alors dans 10 minutes, vous avancez de 10 minutes et puis on essaiera de ne pas trop spoiler après 10 minutes. Alors on va commencer par présenter nos personnages. Alors c'est parti pour Pad. Alors moi je joue un jeune homme qui s'appelait Ryu, jeune homme d'une vingtaine d'années, un chasseur qui était plus orienté sur les attaques. Et un jeune homme qui m'a mis un arc de chasse, un trident, et qui avait envie de partir à la découverte du monde pour découvrir d'autres créatures et d'autres monstres qu'il avait l'habitude de rencontrer dans son village. Pour toi, Paul? Pour moi, j'incarnais un noble qui s'appelait Li Qin. C'était le noble du village d'où venaient nos personnages, qui partait à l'aventure pour découvrir le monde et avant de devenir, de prendre sa place de noble. En fait. Pour toi, Kimi? Du coup, j'incarnais Yuki Asuna, qui était une sorte d'érudit guérisseuse. Donc, elle sortait pour la première fois de sa bibliothèque et avait pour but de découvrir un peu toutes les plantes, tout ce qui se passe en dehors. Alors, pour ma part, j'incarnais Akae, une fermière, on pourrait dire gobcha. On l'a fait un peu au hasard, même si on s'aperçut qu'après, dans les règles, on n'était pas forcément censé en jouer. Mais bon... On va dire qu'on n'a pas joué vraiment un gobcha. Et je me battais, moi, avec une mini-pelle et avec pour objet fétiche un petit sac de graines. Et comme Camille, même si t'es MJ, t'es un personnage, Est-ce que tu peux nous présenter ta femme dragon ? Oui, Ryutama, effectivement, le MJ joue aussi un personnage qui, du coup, est un homme dragon. Et celui-ci peut être de quatre couleurs possibles, donc vert, bleu, rouge ou noir. Et moi, voilà, j'avais un homme dragon, enfin une femme dragon verte, qui s'appelait du coup Minami. Et voilà, c'est à peu près tout au final, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Juste que voilà, j'ai la possibilité d'intervenir auprès des joueurs avec un avatar. Mon avatar, c'était un petit écureuil vert. Et alors, pourquoi vous avez choisi ces classes de personnages ? Moi, pour ma part, c'est... Pardon. On va dire, pas une habitude, mais j'aime bien jouer ce genre de personnage un peu tracker, un peu, je vais pas dire bourrin, mais quelque chose d'un petit peu plus guerrier que ce qu'on peut trouver habituellement. Donc, l'idée me paraissait bien. Ça change, les archétypes changent un petit peu aussi par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres jeux. Chaque classe a des talents et les talents étaient assez variés pour faire quelque chose d'assez différent quand même de d'habitude, mais en restant un peu dans ce que j'aime bien jouer. Pour toi, Kimi ? D'habitude, en fait, je joue la chasseresse, donc qui part traquer, qui voilà, furette un peu partout, et j'avais envie pour ce scénario de tester la guérisseuse. Pour tenter autre chose. Et ce qui est très sympa, comme a dit Pad, c'est que justement, c'était pas juste une guérisseuse, c'était plus un paladin, on va dire, parce qu'elle avait la possibilité de porter une épée, un bouclier, enfin voilà, elle était quand même assez guerrière et je pouvais aller au front. J'étais pas juste en support derrière, et ça, c'était franchement bien pour un scénario débutant. Pour toi, Paul ? Pour moi, j'ai choisi le noble parce que j'avais envie de changer également, comme mes camarades. Je joue normalement plutôt des personnages, on va dire, un peu dissidents. Donc là, j'avais envie de changer, de faire quelque chose un peu plus royal. Donc j'ai pris un personnage avec de l'étiquette. Et toi, Jérôme ? Alors moi, j'ai pris le personnage du fermier parce que c'est pas un archétype qu'on trouve régulièrement aussi, donc j'avais envie de tester ça. Et puis c'était aussi plutôt un personnage, j'ai envie de dire, support, puisque bon, il est là pour aussi gérer les vivres et ce genre de choses. Malgré tout, il a aussi la possibilité d'avoir un métier en fait d'appoint en dehors de fermier, ce qui permet en fait d'aller piocher un talent dans les autres archétypes. Et c'est vrai que là, je l'ai orienté plutôt le fait d'obtenir des informations sur les mythes et légendes de l'univers. Mais ça c'est le côté barde que j'aime bien en fait. Donc au final, je voulais un truc vraiment différent et au fait, je me retrouve avec un barde que j'adore et voilà. Bon, ça c'est moi qui l'ai choisi aussi, mais aussi parce que enfin j'ai pris ça comme talent notamment parce qu'en fait, je pensais qu'à la table, il y avait pas ce genre de possibilité qui était représentée et en fait, je me suis aperçu que si, que notre noble pouvait le faire et qu'on a eu aussi Ryu qui pouvait aussi le faire et donc je me suis un peu retrouvé bête à me dire mince, j'ai pris ça pour essayer d'avoir un truc en plus et ben non, et donc j'ai essayé de pas l'utiliser au même moment qu'eux parce que c'est un peu cheaté quoi en fait. Et sur ces talents justement de personnages, est-ce que ça vous a intéressé, est-ce qu'ils ont été tous utiles, est-ce qu'il y en avait qui étaient vraiment facultatifs? Est-ce que ça caractérisait vraiment votre personnage ou pas ? Pour ma part, pas forcément, puisque c'est plus le contexte du scénario d'introduction qui a fait qu'on n'a pas forcément eu l'utilité de ces talents-là. Mais je pense que oui, si on avait continué un petit peu plus, ou si la situation s'y était présentée, les talents auraient été plutôt utiles. Paul ? Pour ma part, les talents dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui étaient érudition, c'est-à-dire que je suis cultivé, donc je sais beaucoup de choses. Escrime, donc je suis doué avec une arme choisie. Et la dernière, c'était étiquette. Donc j'avais des facilités pour parler avec la haute société. Là, les deux premiers m'ont été utiles en scénario, le troisième non. Mais dans un cadre de campagne, je pense que ça aurait été beaucoup plus utile. Kimi ? Pour ma part, j'ai pas du tout utilisé mes talents de guérisseuse, en fait, parce qu'il n'y en a pas eu besoin. Enfin, ça s'est pas présenté, j'avais besoin de soigner. Par contre, on pouvait choisir une orientation. Donc, je me suis orientée magie, et là, ça a été très utile, notamment le sort des météores magiques. Mais celui-là a été super utile parce qu'il est en instantané, qu'il vise directement. Enfin, ça a pu faire des gros dégâts. Et pour le fermier, en fait, on a plutôt des choses assez passives, en fait, puisqu'on va avoir le fait d'avoir deux animaux qui vont nous suivre pour porter l'équipement, alors qu'elle n'était clairement pas utile ce coup-ci, parce qu'on n'a pas géré quasiment l'équipement et ce genre de choses. Le métier, qui donc m'a permis de venir entre mes bardes, donc là, qui m'a été utile. Et ben après, c'était le fait d'être robuste, et donc ça me donnait des bonus de conditions, par exemple, et de limites d'équipement, donc c'est plutôt des choses passives, et donc forcément ça m'a été utile, puisque ça me donnait des bonus directement, et même si on ne les voyait pas, ils étaient quand même présents. Donc bon. Et je ne sais pas si Camille, tu avais fait attention aux différents archétypes, talents, et si en les lisant, tu te disais qu'il y avait des choses qui étaient plus ou moins jouables, agréables, ou pas en fait. En fait, après lecture de tous les talents de chaque classe, il y en avait peut-être un ou deux sur la totalité qui étaient peut-être difficiles à utiliser. Mais en règle générale, je trouve que quand même, c'est assez bien fichu dans le sens où il y a quand même, c'est quasi sûr, c'est vraiment bien étudié pour que en aventure ou en voyage, tu aies au moins la possibilité, au moins une fois, d'utiliser en fait ces talents. Je pense que ça reste très utile. Je pense notamment la première classe qui me vient en tête, c'est la classe des artisans. Et eux, ils ont des talents de création ou de réparation qui sont très utiles, je pense, surtout dans Ryutama où les armes peuvent prendre de l'impact et perdre du coup en capacité, enfin elles s'usent tout simplement ou deviennent inutilisables. Et du coup c'est vrai que je trouvais que ces compétences, enfin ces talents de création réparation étaient super pratiques. Et c'est pas les seuls, parce que il y a certains talents pour d'autres classes qui sont vraiment très chouettes. C'est juste effectivement, je pense qu'il faut avoir l'opportunité, le temps et l'idée de les utiliser. Par exemple, pour le scénario d'initiation, je pense qu'il y avait peu de possibilités de les utiliser. Alors on va parler rapidement de l'histoire qu'on a pu vivre. On va demander à notre chroniqueuse de nous faire un résumé. Est-ce que ça te va, Kimi ? Oui, ça va. Alors, le résumé, c'est qu'on est partis tous ensemble en direction d'une grande ville, par contre, dont je n'ai plus le nom, donc si quelqu'un là... Arfi. Ah, c'est Arfi ? Irfa. Ah. Voilà, donc on est tous partis en direction de Irfa. Arrivé là-bas, il y avait un grand marché, donc c'est une ville connue pour tout ce qui est très mignon. Grand marché. Trop kawaii. Oui, grand marché de choses très mignonnes. Seul souci à l'arrivée, c'est que les gardes nous préviennent qu'il y a des pickpockets en ville. Et effectivement, l'un des compagnons, Pad, s'est donc fait voler son petit couteau précieux. Donc on se dirige vers l'auberge. Lui part en direction de ce voleur, il n'arrive pas à le rattraper. Bref, nuit à l'auberge. L'aubergiste nous dit qu'effectivement, il y a des vols, les gardes font rien. Bonne histoire, comme d'habitude dans une grande ville, hein. Enfin, tous en direction de la place, parce qu'on vient d'entendre du bruit. On est le matin, on vient d'entendre du bruit. Sur cette place, il y a un gros monstre, une grosse main qui nous attaque, et un petit chat gobelin qui se trouve être le voleur, qui se trouve être de la race des voleurs. On terrasse la main, le chat part. Oui. Bonjour. Il parle aussi. Ça marche. Le chat part et on arrive dans une espèce de maison, on tabasse tout le monde, on ramène tout ce qui avait été volé, et voilà, fin du scénario, récupère notre super récompense, et on est tous contents. C'était l'alerte spoil, en fait. Oui. J'ai pas oublié de le préciser, mais... Voilà. Je pense qu'ils ont compris que quand on a expliqué l'histoire, c'était quand même qu'on allait spoiler à max l'histoire, quand même. J'espère qu'ils avaient compris là, ça. Là, par contre, c'est foutu, hein, genre, c'est foutu. Ne jouez plus. En tout cas, pas ce scénar. On va commencer à regarder les feuilles de personnages, et savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Quelle a été votre première impression quand vous les avez vues, Paul ? Ben, je suis simulationniste, déjà. parce qu'il y a beaucoup de cases, beaucoup de tableaux, beaucoup d'endroits à cocher, à remplir. On sent que là, derrière, ça ne va pas être un PBTA où rapidement, en 5 minutes, tu fais ta feuille de personnage. C'est que là, il faut tout remplir, bien que la création de personnage soit rapide. Mais là, on sent qu'il faut prendre son temps et bien lire les feuilles. D'ailleurs, elles sont très bien faites, elles sont bien réparties par contre. Camille. Moi, personnellement, même si je n'ai pas, pas eu de feuille de personnage pour voyageur, mais une feuille de perso pour Homme-Dragon, dont on parlera plus tard, je trouve que pour Ryutama, qui est un jeu très complet au niveau des règles, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à prendre en compte, je trouve que la feuille de personnage est vraiment très complète et c'est une bonne aide en fait aux joueurs, ne serait-ce que pour rappeler quel type de jet il faut faire quand on fait telle ou telle chose. Il y a tout ce qu'il faut pour pour se souvenir de l'essentiel en fait pendant la partie, et en ce sens je la trouve très complète. C'est vrai que direct quand on la voit, on sait que c'est vraiment un jeu, ça fait vraiment très jeu JRPG, mais par contre ça reste quand même une bonne feuille de perso qui montre l'essentiel et qui est très complète au niveau des informations. Pad. Je pense que oui, Camille a bien résumé parce que c'est à peu près ce que j'allais dire. C'est vrai que la première impression, c'est qu'on voit énormément de choses. On se dit que ça va être un peu compliqué à faire son perso, alors que finalement, je crois qu'on a mis une bonne heure à faire les persos. Et au final, oui, quand on sait que derrière, il y a pas mal de règles dans le livre, bah, c'est vrai que c'est une bonne aide parce qu'on sait à peu près quoi faire. Ouais, c'est une sorte de petit pense-bête aussi en même temps, puisqu'on a, il y a pas mal d'informations qui aident à bien visualiser ce qu'on doit faire. Donc ça peut paraître un peu, j'ai pas forcément le terme, un peu compliqué au départ, oui, alors qu'au final ça va tout seul. Kimi, pour toi ? Oui, non, j'allais dire la même chose. En fait, on se rend compte en la faisant que c'est surtout beaucoup de rap. On réécrit beaucoup de choses qui sont déjà dans le livre, mais pour ne pas avoir besoin d'ouvrir le livre et d'aller chercher les informations. Quand on prend par exemple les talents, en fait, on écrit juste le nom de son talent et qu'est-ce qu'il fait et sur quoi il faut se baser pour l'utiliser. Ce qui est très bien, c'est au lieu de mettre par exemple ses points de vigueur, je sais pas, on a 20 en vigueur, on va mettre je lance tel dé pour la vigueur. Ça c'est vraiment très bien pour commencer. Parce que c'est souvent les questions qui reviennent quand on fait des parties avec des débutants, c'est « Ah oui, mais quel dé déjà je dois lancer pour telle action ?» Là, il n'y a pas cette question-là, ça vient naturellement vu que c'est noté. Camille ? Oui, c'est vrai que le système de dés, du coup, facilite énormément en fait, cet aspect voilà, de quel dé lancer, etc. C'est que, voilà, comme du coup, disait Kimi, c'est en fait les paliers des compétences, que ce soit vigueur, agilité, esprit, intelligence, c'est déterminé voilà, par... un dé pouvant aller de D4 à D12. Du coup, voilà, si on a 6 en vigueur, on lance un D6. Si on a 4 en agilité, on lance un D4, etc. Et c'est vrai que ça facilite énormément en fait, le jeu. Et personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est un bon système de jeu. Alors moi, quand j'ai vu la feuille de perso, je me suis dit, oh mon Dieu, un jeu à l'ancienne. Parce que justement, des cases partout à remplir, des additions à faire, des je rajoute ma je rajoute plutôt mes deux caracs, etc. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être lourd. Je vais être honnête, hein, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et puis après, finalement, effectivement, quand on suit step by step la phase de création, effectivement, ça va assez vite. Hein, on a 4 caracs à définir et en gros, on a 3 combinaisons possibles. Il faut en choisir une. Et puis après, on a sur les niveaux 1, juste les 3 talents à appliquer. La partie que moi, j'ai trouvée radicalement et vraiment très, très chiante, hein, je suis désolé, mais tout ce qui est achat d'équipement, achat de matériel, de matos de voyage, etc. Alors effectivement, c'est un jeu sur le voyage. On est d'accord que s'il n'y a pas une gestion du voyage, il y a un souci. Hein. Mais moi, j'ai trouvé ça mais chiant au possible à dire... J'ai 1000 PO, qu'est-ce que je vais acheter? Et puis, mais en plus, il y a de l'encombrement à gérer, alors qui est vite balayer si on a le fermier, parce qu'avec ces deux animaux qui font, je crois, 30 d'encombrement à gérer, en plus de ce qu'on peut gérer nous comme personnage, très franchement, la question de l'encombrement, elle est vite balayée, mais si on a le fermier, en fait. Donc, c'est allé assez vite, mais c'est allé assez vite à partir du moment où moi, j'ai choisi personnellement de quasiment pas gérer mon équipement. J'ai acheté mon équipement de base, et je me suis dit, pour la nourriture, etc., on verra plus tard, quoi. Camille? Ouais, je suis assez d'accord. C'est pour ça que je disais que la feuille, elle est bien fichue, en fait, pour la complexité du jeu, dans le sens où, effectivement, dans l'idéal, moi, si je pouvais me dispenser de remplir tout ça, je le ferais. Après, je trouve qu'elle est bien faite dans le sens où, effectivement, il y a tellement de choses à prendre en compte dans le jeu qu'au final, elle synthétise très bien. Mais par contre, c'est vrai que je suis assez d'accord pour dire que c'est assez insupportable. Enfin, ou en tout cas, il faut vraiment être un fanat de l'organisation et des règles au détail près pour jouer vraiment by the book Ryutama, parce que effectivement il y a des jets pour presque tout. Il faut gérer l'encombrement, il faut gérer la nourriture, les tests de conditions de campement, d'orientation. Il y a tellement de choses. Ça, c'est le seul aspect sur le jeu qui est ouais, il faut faire des choix, quoi, au niveau des règles. Mais par contre, je trouve que je ne sais pas si toi, par rapport à cet aspect très complet, moi, personnellement, je trouvais que ça synthétisait assez bien, en fait, la totalité des informations. Je trouve que la feuille est hyper lisible. Après, il y a des petites choses qui nous ont, je pense, tous un petit peu bloqués la première fois. Parce qu'après, on a changé, on a vite compris ce que c'était. Par exemple, sur l'initiative, par exemple, ou la condition, je pense qu'on l'a tous rempli dès le départ, en se disant, voilà, mon initiative, ben là, moi, ça faisait 12, alors qu'en fait, à chaque fois qu'on a un combat, en fait, on va la jeter. Donc, moi, je n'avais pas compris le fait qu'il y ait une case, en fait, à remplir, parce qu'en fait, ben, tu as envie de la remplir, puisqu'elle y est, j'ai envie de dire, comme la condition, on t'explique la condition, voilà ce que c'est. Et puis, dessous, on te met à... Alors, bien sûr que ça te permet de te rappeler que chaque jour, il faudra que tu le fasses, sauf que la première chose que j'ai faite au début, c'est, j'ai entouré ma condition. Et puis, le scénar a commencé par, faites-moi un jet, et voilà votre condition. Tu dis, mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai la possibilité, en fait? Donc, elle est lisible, elle est sympa, etc. Après, il y a quelques petites choses qui, moi, m'ont gêné, quoi. Comme par exemple, je crois que c'est pour l'équipement, et c'est la précision de l'arme. Et quand tu prends le tableau dans le bouquin, ça ne s'appelle pas précision. Il y a un autre terme qui est utilisé. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que le terme qu'il y a dans le bouquin... C'est bien là où il faut falloir que je mette l'info, parce qu'en fait, sur ma feuille de perso, c'est un autre nom. Donc, il y a quelques petites, je trouve, dissonances entre la lisibilité, qui est vraiment très bien, et des informations qui soient inutiles, ou en tout cas qui, en fait, quand tu te confrontes la première fois, tu te dis, pourquoi est-ce que je l'ai rempli? Puisqu'en fait, mon initiative va changer, ma condition change tous les jours, et voilà. Ça fait pareil pour les vêtements, d'ailleurs. T'as marqué effet résistance à la place de protection, alors que dans le livre, on te parle de protection de vêtements. Du coup, quand tu prends des vêtements, par exemple, quelque chose, une armure en cuir ou quoi, je sais pas vraiment si tu le mets dans effet résistance, sachant que t'as la longévité aussi de ton armure à gérer. Donc, où est-ce que tu l'écris? Enfin, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont pas... un peu comme les malus aussi. Enfin, je pense que ça vient après... ou les effets, ouais. Mais dès le début tu les as pas, donc tu sais pas si l'effet, est-ce que ça va être la description de ce que fait ton arme, est-ce que ça va être autre chose, est-ce que voilà, t'as un peu des questions et je pense qu'on peut vite se perdre quand même. Alors une fois qu'on a créé nos personnages, en fait il y a des rôles qui sont attribués aussi aux joueurs. Alors c'est le chroniqueur, le cartographe, l'intendant et le chef. Et donc chacun des joueurs, là on avait la chance d'être quatre, donc on a pu chacun avoir un rôle attribué. Ben, se voir attribuer justement un rôle supplémentaire. Est-ce que ces rôles ont été utiles dans la partie? Est-ce qu'ils vous ont semblé avoir un intérêt réel ou pas? Paul? Avant de donner mon avis, je vais expliquer en quoi consistent les rôles. L'intendant, il est là en fait pour gérer l'aspect nourriture, eau et économique de toute la table. C'est en fait, il fait office de banquier pour tout le groupe. Le chef, il est là pour en fait être le médiateur dans une prise de décision. Le cartographe, il est là pour dessiner la carte, qui va se dessiner petit à petit durant l'aventure, mais plutôt dans le cadre d'une campagne, à mon avis. Et la chroniqueuse, ou le chroniqueur, est là pour rédiger en fait, le résumé de la partie. Et le chef gère aussi l'initiative. À mon avis, c'est très bien. Ça défausse une responsabilité au MJ qui a déjà beaucoup de choses à faire. Et ça force, entre guillemets, les joueurs à s'impliquer dans l'histoire. Donc, beaucoup de positifs et, à mon avis, peu de négatifs. Négatif. Ah, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, en fait. Ah bon, alors, Jérôme, en quoi tu n'es pas d'accord? En fait, ça décharge le MJ, ça c'est clair. Par contre, c'est absolument pas récompensé pour les joueurs. C'est-à-dire que la chroniqueuse, elle a pris les notes pendant toute la partie. Et au final, si on continue le scénar, bah en fait, elle aura pris les notes de la partie. Elle n'est pas récompensée pour le fait de prendre des notes. Et moi, sachant qu'il y avait la chroniqueuse, moi, j'ai pris aucune note. Hein. Alors bon, c'était le premier scénar, c'est un peu un scénar d'intro, donc il n'y a pas non plus 50 000 infos. À tel point que je ne me rappelais même pas le nom de David non plus. Donc... mais c'est vrai qu'elle a pris les notes, mais au final, si on continue à jouer, bah en fait, elle ne sera pas récompensée pour ça. Et c'est bien de déresponsabiliser le MJ et surtout de responsabiliser les joueurs. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même que bah, y a certains rôles qui sont quand même plus ou moins lourds. Enfin, la chroniqueuse, c'est clairement le plus lourd. Après, il y a le chef pour gérer les initiatives. Et après, après, franchement, le cartographe, en plus, quand on voit la carte, je crois que l'échelle, c'est un carré fait 30 km. Alors, ça peut, il peut avoir un petit croquis à faire de temps en temps et puis basta. Et bon, l'intendant, effectivement, va pouvoir gérer les rations. Et je pense que c'est dans un mode campagne où il n'y a absolument aucune ville à 500 km à la ronde et qu'il va falloir vraiment gérer profondément. Mais... Et en fait, je trouve que les rôles sont vraiment avec une charge beaucoup, enfin, très différente, en fait. Et en plus, les joueurs ne sont pas récompensés en prenant en charge ça. Camille ? Je suis assez d'accord avec du coup ce que vous avez dit tous les deux. Effectivement, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a d'un côté, il y a cet aspect effectivement de responsabiliser les joueurs qui est hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est ça rajoute en fait en quelque sorte du roleplay au jeu. Par contre, effectivement, je suis assez d'accord que il y a certains rôles sur lesquels c'est beaucoup plus flagrant, comme le rôle du chroniqueur, où ouais, il n'y a pas de récompense et où en fait c'est ça va plus dépendre d'une campagne, je pense, parce que là sur une partie comme ça c'est vraiment on voit quasi rien hein, pas de qui était cartographe, qu'est-ce que tu veux cartographier Ou alors il faut vraiment que le MJ s'embarque dans des descriptions de là la troisième à gauche et puis ensuite tu prends à droite et puis tout droit jusqu'au matin, enfin bon bref voilà. Le chef au final, c'est vrai que instinctivement tout le monde, même si Paul qui gérait du coup l'initiative des joueurs en combat, instinctivement tout le monde va s'y mettre en fait. Parce que voilà, tout le monde est dans l'action, donc tout le monde a envie de dire « Ah bon, bah là, c'est mon tour, je gère, ok, très bien, c'est à moi. Ensuite, c'est à toi, il me semble, ok, très bien. » Donc du coup, il n'y a pas vraiment d'exclusivité pour gérer les initiatives. Bon, effectivement, l'intendant, je pense que clairement, là, c'est vraiment sur une question de... Ça a une utilité surtout sur une campagne, sinon sur un petit scénario comme ça, genre un one-shot, franchement... quasi zéro utilité. Et chroniqueur, ouais, c'est chouette. Voit la responsabilité, parce que c'est une énorme responsabilité, parce que ça veut dire qu'en fait, personne d'autre ne prend des notes. Donc si, dans un cadre de campagne, il faut se souvenir du petit détail de comment s'appelait la nana qui était le sous-fifre du grand méchant, et qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est le personnage majeur dont il fallait se souvenir, laisse tomber, si t'as oublié l'information... et que tu es le seul en fait, à prendre toutes les informations, c'est une énorme responsabilité pour le peu de récompenses que tu as derrière. Pardon ? Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tout le monde a dit. Après, je suis quasiment certain que dans le bouquin, c'est pas, enfin, le bouquin de règles, c'est pas écrit qu'il y aurait des récompenses ou tout ça, mais je pense que sur le long terme, on peut trouver justement des sortes de récompenses pour beaucoup de choses. Je sais pas, cartographe, on peut se dire qu'à un moment, il va vendre ses cartes. Donc ça peut faire aussi quelque chose comme ça. Le chroniqueuse ou le chroniqueur, pareil, il peut vendre ses récits, les raconter, faire de l'argent, ce genre de truc. Oui, on l'a dit, comment ? L'intendant, oui, c'est plus sur le campagne, la bonne gestion de ce qu'on fait. Après, c'est vrai que le chef, on peut le désigner aussi un peu comme, mais comme tu disais tout à l'heure, le médiateur, un peu celui qui va plus à l'encontre des gens pour discuter avec eux, ce genre de truc. Mais après, oui, ça vient sur un scénario comme ça, c'est sûr qu'il n'y a aucune utilité à ce niveau-là. Et là, on l'a vu sur le cartographe, moi, oui, à part faire le départ de notre ville jusqu'à Irfa, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Paul ? Après, moi, je ne suis pas forcément pour la récompense dans la responsabilité. Le fait, là, je ne sais pas comment tu voulais récompenser les joueurs et Jérôme, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Là, c'est... Là, il y a dans beaucoup de JDR, il y a un chroniqueur de manière méta, mais il n'est pas forcément récompensé. Pour moi, l'aspect récompense pour ses responsabilités n'ont pas lieu d'être. Moi, je pensais à. Alors, il me semble que c'est dans Alltrée où il y a des rôles qui sont attribués, dont un chroniqueur. Et pour chaque rôle, en fait, il y a un avantage pour le personnage du joueur, en fait. Et parce que effectivement, il y a des, c'est bien de responsabiliser, mais voilà, c'est parce qu'il y avait et surtout Coltré est un peu dans le même esprit en fait que Ryutama. Si on va par là, c'est du voyage, c'est de l'exploration. Alors certes militaire pour Coltré, mais on reste dans un système où il y a un cartographe parce que on va étudier des hexagones pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va écrire des chroniques de nos aventuriers, et donc c'est vrai qu'il y a des rôles qui sont assez similaires en fait entre les deux jeux, et c'est vrai que dans Alltrée il y a cette récompense pour le fait que les joueurs s'impliquent, prennent des notes et fassent le suivi en fait, par exemple, ou dessinent la carte, ce genre de choses quoi. Et c'est vrai que là c'est parfaitement absent en fait. Camille ? En fait je pense que le principe des rôles c'est by the book, c'est pas au top. Par contre, je pense que c'est un super principe, une super idée qu'on peut peaufiner comme Pad disait, il y a des possibilités de vendre des cartes ou vendre les récits ou autre. Je pense que j'ai l'impression que Ryutama, c'est un petit peu le principe aussi, c'est que c'est un manuel de jeu de rôle qui te donne des clés, te donne énormément de clés. Et je pense que c'est pas pour rien, c'est juste parce que c'est en gros un recueil de règles, un recueil de possibilités, mais qu'après tu viens peaufiner derrière. Donc c'est vrai que c'est l'idée des rôles de chacun, c'est une bonne idée, mais qu'il est possible de peaufiner, d'agrémenter d'idées au fur et à mesure, selon l'envie, selon ce qu'on veut faire jouer en fait. Kimi ? Après, je trouve que ça peut permettre au MJ de justement se délaisser de cette responsabilité d'apprendre aux joueurs à prendre des notes, à faire leurs cartes, à désigner quelqu'un qui va clairement leader le groupe, des choses comme ça. Et ça peut l'aider lui. Alors c'est sûr que, par exemple, pour tout ce qui est prendre les notes et tout ça, avoir un seul joueur qui le fait, c'est hyper risqué. Parce que, d'ailleurs, j'ai dû demander plusieurs fois pour répéter des choses, parce que j'arrivais pas à suivre dans les descriptions ou quoi. Par exemple, la couleur du chat qu'on devait poursuivre, je me suis dit, ça, c'est hyper important si jamais on ne s'en souvient plus. Et voilà, c'est un peu le souci d'être tout seul à tout noter. Par exemple, être tout seul à faire une carte, ça peut aussi être un souci du moment où toi, tu as ta propre perspective de la chose. Quand on est plusieurs joueurs à prendre les notes, à faire la carte... Ça donne plusieurs visions et du coup c'est vachement amélioratif. Mais voilà, avec une table de nouveaux joueurs, nouveaux MJ, c'est super pour cadrer. C'est franchement, c'est hyper important. Alors, une autre chose qui, moi, m'avait gêné, mais par contre, c'est nous qui l'avons fait de cette manière. Et je pense que le jeu l'encourage, en fait, c'est que les rôles, on se les a attribués en fonction de nos caracs. Puisqu'en fait, le rôle ne te donne pas un bonus. Je reviens sur mes bonus. mais bien te dit, pour être efficace, il faut que tu sois bon dans tel et tel caractère, parce qu'il faudra, lors des jets, réussir à les faire. Et c'est vrai que ben, naturellement, on se les a attribués là où on avait nos meilleurs caractères. Mais à mon avis, ça lance plein de problèmes en fonction des personnes, en fait. Kimi, un avis ? Oui, parce que par exemple, une personne qui va être dyslexique ou qui va avoir une dyscalculie, par exemple, si elle se retrouve à devoir noter toute l'aventure ou même à gérer les provisions, ben, ça ne va pas être possible pour elle. Et si jamais c'est la seule personne dans le groupe avec son personnage à avoir la caractéristique qu'il faut, ben, ça peut être un gros frein, en fait. Et son aventure peut être toute pourrie, quoi, parce que... Enfin, je sais que moi, j'ai des problèmes de concentration, et heureusement, c'était un one-shot qui durait pas longtemps, mais déjà, au bout de 2h30, 3h, ça me fait une grosse fatigue de prendre des notes de qu'est-ce que je dois prendre comme information importante, qu'est-ce que je dois garder. Être toute seule à le faire, c'est une assez grosse pression si c'est une campagne. Et me dire, voilà, au bout de 3h, je sais que je peux plus, donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête la partie parce que je ne peux pas le faire ? Ou, ben, est-ce qu'on... fait pas by the book et qu'au final on prend pas les caractéristiques et que chacun fait par affinité. Mais ouais, ça soulève aussi un souci assez important. Camille ? C'est vrai que ça, cet aspect-là, c'est conseillé en fait dans le manuel de choisir en fonction de, par exemple, voilà, l'intendant, c'est idéalement le joueur qui a le plus d'animaux. Ça dépend combien il y en a en fait. Mais d'un niveau de batte. Mais c'est vrai que ouais, je suis assez d'accord pour dire que, voilà, en même temps, ce serait dommage de faire by the book vraiment avec ça et à se retrouver à détester en fait écrire. Mais par contre, voilà, bah, c'est le jeu, donc tu dois prendre des notes. Ouais. Donc c'est dommage parce que voilà, tu peux te retrouver à faire un truc que tu détestes faire. Moi, je. Pour exemple, voilà, si jamais j'ai envie de jouer fermière un jour et que en fait, bah, il se trouve que je déteste faire des maths et qu'il faut que je calcule en fonction de l'argent, etc. et tout machin, moi ça va m'énerver, quoi. Ça va très vite m'énerver de devoir le faire juste parce que par malheur, voilà, j'ai voulu choisir le rôle de fermier. Mais pour moi en plus, c'est on l'a fait naturellement, entre guillemets, on va dire en optimisant, en mettant les bons rôles en fonction des personnages, mais tout nous pousse à le faire, en fait, parce que même la feuille de personnage, enfin, je reviens dessus, mais elle est faite pour optimiser, en fait, de faire des calculs, de se dire, où est-ce que je suis le meilleur, pourquoi est-ce que je vais le faire, et donc, même si on peut ne pas se sentir obligé, mais tout pousse à le faire, en fait, donc... Mais en fait, moi, de mon point de vue, le jeu le pousse et tout est fait pour le faire, en fait. Paul ? Après, ça reprend la thématique JRPG de toujours optimiser pour atteindre, je sais pas, moi, je joue pas au JRPG, avoir des objets classe violette, orange, là, le but, c'est d'opsi. Donc, il faut aussi le retrouver dans les feuilles, dans le matériel. C'est pas négatif, c'est un genre... Complètement. Fan. Moi, je suis pas forcément cet avis-là, à part pour l'intendant, qui, comme tu disais, est plus orienté sur le fermier parce que voilà, il va avoir des bêtes associées qui peuvent aider. J'ai pas l'impression que pour les autres rôles, ils sont vraiment orientés par rapport au personnage. Là, on l'a fait parce que voilà, moi, je sais que j'étais un chasseur, donc je me dis chasseur, il sait traquer, il sait pister, donc il sait à peu près cartographier. Mais j'ai pas eu l'impression, ou alors c'est parce qu'on n'a pas vraiment abordé tous ces points-là, mais j'ai pas forcément eu l'impression d'avoir eu besoin de certaines caractéristiques pour faire ça. Je le vois plus pour l'intendant, ça c'est certain, mais pour les restes, je le vois pas forcément. Kimi ? Oui, d'ailleurs, je me suis demandé à un moment, enfin quand on l'a fait, je me suis dit, ah, on va avoir des jets de dés à faire et ça va nous donner des informations par rapport à notre rôle. Et en fait, pas du tout. Donc, je ne comprenais pas pourquoi on choisissait avec des caractéristiques au lieu de choisir avec les compétences de base des gens qui jouent, en fait. Alors, on a parlé de la fiche des personnages, mais la fiche de l'homme-dragon. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît, Camille ? Comment tu l'as trouvée ? Est-ce qu'elle est lisible ? Est-ce qu'elle t'a servi ? Alors, du coup, la fiche de l'homme-dragon, c'est cool d'en avoir une parce que voilà, question de l'égalité, finalement. Mais par contre, elle est bien pour avoir un aperçu synthétique de ce qu'on veut faire. Mais voilà, à savoir qu'en fait, l'homme-dragon, c'est aussi un personnage joueur qui monte lui aussi de niveau. mais pas en fonction des actions, des quêtes, des voyages, etc. Mais qui, en revanche, en fait, monte de niveau grâce au nombre de scénarios qu'il fait jouer. Ce qui est, en fait, assez réaliste. Ça représente vraiment le MJ. Ouais, voilà, c'est un MJ, quoi. C'est un MJ qui se fait de plus en plus d'expérience et qui, du coup, devient, a priori, meilleur. Du coup, oui, voilà, en fait, la fiche d'Homme Dragon, bon, bah, on peut mettre le nom, la couleur, l'avatar, l'artefact, les souffles et les éveils qui sont, du coup, les pouvoirs du dragon. Donc, ça permet, voilà, de se souvenir de ce qu'on a pris pour la partie ou de qu'est-ce qu'on peut faire. Apparence, vocation, demeure, voyageur protégé, monde protégé, c'est vraiment... C'est de l'information très très globale et après voilà un historique des scénarios joués, donc c'est sympa, mais alors déjà voilà, vu que ça concerne tous les scénarios qu'on fait jouer en tant que homme dragon vert en l'occurrence, bah, du coup ça fait que déjà il faut pas que je perde ma fiche et en plus voilà, est-ce que c'est vraiment c'est vraiment si on prend très à cœur le fait de faire monter de niveau en fait son homme dragon. Sinon, pour un one shot, ça n'a aucune utilité. C'est vraiment quand on fait une campagne ou alors qu'on est un grand fan de Ryutama et que du coup on fait tous les week-ends, même si c'est des one shots, on fait genre voilà tous les week-ends on masterise des parties de Ryutama. Mais par contre, sinon, je pense que juste pour un truc comme ça de temps en temps. Je pense pas que ça ait vraiment de l'utilité. Ah, par contre, ce qu'on n'a pas dit et qu'on va dire maintenant, c'est que les rôles s'accompagnent aussi de fiches. Donc le cartographe a une fiche, le chroniqueur a une fiche, etc. Et donc forcément, la question qui se pose, c'est comment vous avez trouvé la fiche que vous êtes attribuée pour gérer votre rôle supplémentaire. Kimi ? Alors, désolée, hein, mais en fait, ça fait... Je pense que c'est une très bonne base pour ceux qui ne savent pas prendre de notes. Donc, c'est la première fois qu'on doit prendre de notes pour un jeu de rôle. Par contre, c'est impossible de prendre des notes dedans. C'est juste pas possible. Les cases sont hyper petites. Par exemple, on a une case événement. Alors, elle est large, hein, mais clairement, on va pas pouvoir prendre ce qui se passe même dans une matinée dedans. Parce que justement, on est tout seul à noter. Du coup, il faut noter un peu tout. Parce qu'on sait pas trop qu'est-ce qui va être utile, surtout en début de partie. Et surtout quand on arrive, par exemple, dans une ville... où on dit bah, on arrive dans cette ville ressemble à ça, elle sert à ça, on a rencontré un garde, après on allait là, ça ressemble à ça, enfin voilà. C'est beaucoup trop petit. Par contre, oui, pour des débutants, bah, on doit dire la période, donc quelle saison c'est, à quel moment ça se déroule, donner une idée du paysage. Alors ça peut être utile, je pense, quand on est en campagne et qu'on se balade vraiment, pour dire est-ce qu'on est dans une plaine, est-ce qu'il y a de la neige, tout ça. On a d'ailleurs le climat derrière. Mais il y a plein d'informations à remplir. Mais c'est pas... Ouais, non, c'est pas vraiment... Par exemple, on doit donner le nom du scénario. L'objectif du groupe, sa destination. Donc ça, est-ce qu'on utilise une fiche par, final, par mission ou est-ce que c'est une fiche pour tout? Enfin, voilà, c'est un peu décousu. D'ailleurs, je crois qu'on a deux feuilles. On a aussi une feuille de notes où on doit noter des musiques qu'on apprend, des sorts qu'on apprend. Et ça, c'est plutôt à la personne de le faire elle-même. Je pense que si on a un barde, c'est plutôt à lui d'aller noter bah, qu'est-ce que j'ai appris comme musique, plutôt que d'avoir encore un truc qui s'ajoute à la personne qui doit prendre les notes. En plus de prendre les notes, elle doit faire attention de « Ah, machin truc a appris telle musique, ok, alors je vais la noter. Machin chose a appris telle recette, ok, je vais noter ça aussi. » Enfin, voilà. C'est vraiment lourd et la fiche est une bonne base. Mais prenez un bouquin, enfin, prenez-vous un truc à côté pour faire vos vraies notes, quoi. Camille ? Et après, c'est vrai que le jeu, il donne énormément d'outils pour la création ou juste pour la gestion en fait, du jeu. C'est super cool parce que du coup, si on est un fan d'organisation, etc., ben là, c'est sûr, on a toutes les clés. Les fiches telles qu'elles sont construites, effectivement, celle du journal de bord, elle est peu maniable. Mais par contre, ce qui est chouette... il y a au moins cet aspect-là, c'est que même si certaines fiches ont une utilité fort discutable, en tout cas en fonction du contexte ou de la partie jouée, si c'est une campagne, un one-shot, quel type de scénario, etc., quel type de joueur d'envie, voilà. Moi, je trouve quand même super chouette le fait que le livre te donne énormément de clés pour voilà, te cadrer si jamais tu manques effectivement de rigueur ou de cadre, si tu ne sais pas toi, t'orienter dans le jeu, qu'est-ce qui est important de noter, parce que c'est vrai qu'il y a souvent, ça arrive à certaines personnes effectivement de se dire qu'est-ce qu'il faut que je note, est-ce qu'il faut que je note tout, est-ce que c'est important, par exemple effectivement la destination, on peut se... Voilà, il y a certains joueurs qui vont se dire non, aucune utilité. Enfin, ça, c'est un truc que c'est, on verra, en fait, c'est l'aventure. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de noter la destination sur le journal de bord ? Et en même temps, il y en a d'autres qui vont dire bah, si, c'est important parce que c'est l'objectif, c'est la finalité. Donc, c'est vraiment, je pense, ça dépend en fait de ce qu'on veut. Mais je pense que l'idée générale de Ryutama, c'est que c'est tout simplement un bouquin qui te donne toutes les clés dont tu as besoin. Et que c'est après à toi de faire le choix, en fait, que ce soit au niveau des règles ou des fiches ou peu importe. Pad ? Donc moi, j'étais cartographe, donc j'avais une carte, donc c'est une simple feuille quadrillée, une case qui représente 30 km et un jour de voyage. On peut mettre le nom de la campagne, le numéro de la carte et le nom de la région. Et je pense que, sans forcément décrire les autres fiches restantes, et je pense que le cartographe et le chroniqueur, c'est plus du résumé qu'on fait en fin de partie. C'est-à-dire qu'on va prendre, nos notes à côté, et après on va mettre ça au propre pour dire on a fait ce parcours-là, et on a fait on écrit notre récit après. Après, pour la fiche de l'intendant, c'est sûr que c'est sur le coup qu'il faut le faire, et la fiche pour le chef, c'est pareil, ce sera quelque chose sur le coup. Mais je vois plus ça comme ça que vraiment de le faire sur le coup. Que la carte, tu sais pas où tu vas. Si tu commences à dessiner, puis d'un coup, on te dit, tu vas partir à gauche alors que tu étais déjà sur la gauche de ta carte, tu es obligé de tout refaire. Pareil, la chronique, comme tu disais, c'était trop petit pour écrire. À mon avis, on écrit à côté et après, on résume le truc dans la partie. Comme ça, tu peux mettre ta direction, tu peux mettre ces éléments-là. Donc, moi, Paul, j'étais le chef. Moi, la majorité. Le rôle du chef, c'est de gérer l'initiative en fait durant les combats grâce à une fiche qui s'appelle l'œuf de bataille. L'œuf de bataille, c'est un œuf. je ne sais pas comment j'aurais pu le dire différemment. Avec le blanc et le jaune. Avec le blanc et le jaune, fracturé en deux, où en fait, pendant le combat, les joueurs vont se répartir dessus, ainsi que les adversaires. Il y a l'initiative qui est en dessous, ça va être le chef qui va devoir dire « Là, c'est au tour du gobelin d'attaquer, là, c'est au tour de Jérôme, là, c'est au tour de Pad. » Et il y a aussi des objets. Et les objets, c'est ce qu'on répartit avant le début du combat, ça va être des éléments du décor. Certains ont été proposés durant le scénario, mais là, la plupart, c'est nous qui les avons choisis. Et ces objets sont là pour nous apporter des bonus durant nos actions. En fait, on supprime un objet pour avoir un bonus de plus 1 à nos jets. Donc, ce système, c'est très JRPG tour par tour. Ça fait très bien le taf. L'affiche, en plus, je trouve ça original, cette idée d'œuf pour répartir les zones. Vous en avez pensé quoi, vous, justement, de cette phase de combat, Camille ? Personnellement, j'aime bien l'idée de bataille comme ça. Au moins on sait où on se place, parce que c'est vrai qu'en général c'est assez à part si on a de quoi dessiner et que du coup on fait sur une carte pendant la partie où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais j'aime bien l'idée de se placer direct soit en zone de front, soit en zone arrière, histoire de se dire j'y suis ou j'y suis pas, quelle va être en fait la conséquence si je me déplace, si ça va prendre du temps, etc. Et c'est vrai que j'aime bien en fait l'idée qu'on puisse utiliser des objets autour, parce que c'est vrai qu'on y pense. Alors, des fois, il y a certaines personnes dans un jeu de rôle classique qui vont poser la question j'aimerais bien m'aider d'un truc pointu, il y a des trucs autour de moi, en général, je sais pas, le MJ peut... il dit, oui, très bien... Il y a un pic à glace juste à côté, ou alors non, il n'y a rien, va te faire foutre, continue, utilise ton arme, et puis voilà, débrouille-toi. Mais c'est vrai que là, l'idée de placer quelque chose avant de commencer le combat, je trouve ça assez pratique et assez logique, en fait, en fin de compte. Pardon ? Moi, j'aime bien l'idée, jouant beaucoup à D&D, donc avec vraiment, on peut faire un système de cartes avec des placements où c'est vraiment pris en compte. Là, c'est vraiment très descriptif, c'est-à-dire qu'il y a, comme disait, il y a le jaune et le blanc. Le jaune, c'est la zone de front, le blanc, c'est la zone arrière, donc on sait à peu près où se placer. En fonction des décors, on peut les utiliser, mais ça reste très descriptif. Si on veut se dire, ben, oui, on se met à côté, on se met dos à dos, c'est très ouvert comme système, et moi, je trouve ça très bon. Kimi ? Non, oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est hyper facile, enfin, c'est hyper lisible et visuel. Donc, pour commencer, c'est très, très bien. Surtout, ce qui est super bien, c'est qu'on peut écrire... Il y a une petite grille au-dessous pour écrire les noms des personnages et leur initiative. Donc ça, c'est super bien pour que tout le monde puisse regarder et se dire « Ah oui, c'est au tour de machin de faire ça. » Et je trouve que l'idée des meubles... Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est on rentrait dans la pièce et chacun donnait un objet qu'il y avait dans le lieu. Donc ça, c'était assez bien parce que c'est participatif. Et du coup, chacun, il met de sa petite imagination... de se dire, moi, je vois le lieu comme ça, par exemple, avec une table, dans un coin, il peut y avoir un pouf, par exemple. Enfin, voilà, c'est vachement participatif, je trouve ça très, très bien. En me concernant, j'ai trouvé ça aussi super intéressant. J'ai vraiment kiffé les combats, vraiment, parce que c'est pas tactique, mis à part le fait de gérer je suis au front ou pas, mais c'est pas autrement tactique du tout. Et l'utilisation des objets, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça permet de rajouter du décor et surtout de l'utiliser. Plutôt que de dire, vous rentrez dans la pièce, il y a ça et ça. Ok, vous faites quoi ? Bon, je tape dessus le mob. Bah là, effectivement, on a tapé sur le mob, mais de manière beaucoup plus créative en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et ça a permis de, ouais, ça nous a permis de décrire notre personnage faisant certaines choses où franchement moi j'aurais probablement pas utilisé la chaise pour le jeter au visage de Love Chat, alors qu'en fait le simple fait de lui jeter m'a donné juste un bonus de plus un en fait. Dans un autre jeu je suis sûr que j'aurais rien pu faire derrière, alors que là j'ai pu faire une scène d'écrire le fait d'essayer de le distraire avec la chaise pour lui mettre un coup de pelle, donc c'était vraiment moi j'ai vraiment adoré cette phase, c'était super intéressant. Alors par contre, ce qui m'a étonné dans cette phase de combat, c'est la défense en fait des personnages et comment on fait pour toucher. Parce que si j'ai bien compris, en fait, la défense des personnages égale son initiative. Et en fait, le seul intérêt d'avoir, j'ai envie de dire, une armure ou un bouclier, c'est si ton initiative est moins bonne. Puisque je crois que le personnage de Kimi avait un bouclier qui lui a permis en fait d'avoir une défense supérieure à son initiative, mais sinon en fait tout se joue en fait au début du combat, puisque l'initiative en plus est fixe, et donc si on tire une très bonne initiative, en fait on risque d'être intouchable, là où d'autres là on a eu un peu le cas hein, sur le premier combat où je crois que j'ai fait 11 en initiative et les pauvres petits chats ils avaient 6, ils sont fait rétamer les pauvres, parce qu'effectivement toucher à 6 c'était assez facile. Et donc, on peut se retrouver avec une difficulté peut-être plus compliquée à gérer, sauf si l'initiative est fixée pour les mobs, mais ça, tu vas nous le dire, Camille, parce qu'autrement, si tu jettes ton initiative au hasard et que tu trouves ton gros méchant avec 2, ça va être un peu compliqué à gérer pour toi. En fait, si on regarde le bestiaire qui est fourni dans le manuel, il y a vraiment noté du coup l'initiative... Voilà, des mobs, donc c'est même pas, on leur laisse vraiment pas tellement le choix en fait. C'est les gobelins chats, ils ont 6 d'initiative et puis barre. Après, à savoir quand même, là je l'ai pas fait, mais le MJ, l'homme dragon, dans ses souffles, il a la possibilité d'en avoir qui aide les PNJ en fait. Donc par exemple, si je prends Guet-apens, les attaques des PNJ réussissent automatiquement au premier round. C'est-à-dire que voilà, j'ai la possibilité aussi de compliquer le combat en fait. C'est juste à moi de faire le choix de est-ce que ça dessert le scénario, est-ce que c'est utile en fait. Mais voilà, là, c'est vraiment à l'appréciation personnelle et à l'utilité aussi. Oui, vu que là, actuellement, je suis en train de feuilleter le livre, les premières pages, l'initiative est bien plus haute et de beaucoup. Après, c'est-à-dire bien plus haute. Le plus haut que j'ai, que j'avais sur la page, c'était 12. Ouais. Donc, là, par exemple, dans le cas de figure qu'on avait, il fallait faire une réussite critique pour qu'on le touche. C'est quoi comme mob ? C'est un œuf qui chevauche. Donc voilà. Mais après, oui, c'est assez aléatoire. Il y a du 5, il y a du 7, du 8. Oui, c'est assez disparate. Et sur le système de résolution, parce qu'on n'en a toujours pas parlé, est-ce qu'il a été difficile à être compris, mis en œuvre ? Paul ? Donc non, le système de résolution est assez simple, c'est comme on l'a expliqué un peu plus tôt, chaque caractéristique est associée à un dé, donc qui va du D4 jusqu'au D12, et par exemple si on a un G, ça peut être agilité plus vigueur, donc ça va être par exemple un D4 plus un D6, et on additionne le résultat, on dit le résultat au MJ, il dit si on a réussi ou si c'est un échec. Selon la difficulté. Donc c'est très simple, et comme l'a dit Kimi un peu plus tôt, le fait de dire que une caractéristique est égale à un dé et pas une valeur fictive, comme par exemple Donjons et Dragons, on a par exemple une valeur de 17, ça veut dire un truc, mais si on l'a via des modificateurs, pas forcément dans l'immédiat. Là, on sait que agilité, c'est égal directement à un D4, selon ta création de personnage. Alors, je suis assez d'accord, le système de résolution est très facile. Par contre, la question que je me pose et que je te pose, Camille, c'est est-ce que c'est facile de trouver les jets de dés à faire, et donc les associations de Karak? Et la suite de la question, c'est de gérer le niveau de difficulté des jets. Alors, je dirais que au niveau des jets, ben, ça dépend en fait. Si c'est des actions basiques de type, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais. Comme quand on t'avait demandé, par exemple, tu nous as parlé d'un monstre, est-ce qu'on t'a dit, est-ce qu'on connaît ce monstre-là ? Oui. Ouais, là, en fait, c'est vraiment déduction personnelle, genre, ben voilà, si on a des connaissances, voilà, si on connaît l'existence des gobelins chats, bon, ben. En toute logique, c'est juste à. Voilà, en toute logique à dire, ben, je sais pas, j'imagine intelligence plus esprit ou intelligence, sauter sur une table, bon ben vigueur plus agilité. Voilà, c'est vraiment juste à faire en toute logique. Le niveau de difficulté, on te donne en fait un barème de. Allant de simple à nécessite un miracle, hein. Voilà, par assez difficile, difficile, très difficile, surhumain. Là, je pense que c'est vraiment au besoin du scénario. Il y avait dans le scénario d'initiation, il y avait des petites indications pour dire c'est assez difficile de le faire ou c'est plutôt simple. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment au MJ en fait à faire en fonction en fait des besoins du scénario d'évaluer la difficulté. Je pense que c'est plus simple pour un MJ aguerri de dire je prends la décision, je sais très bien ce que je veux faire, je sais très bien où je vais et où je veux les emmener. Donc là, je sais que c'est voilà, c'est très difficile et c'est comme ça, pas autrement. Alors comme je te voyais regarder ton aide de jeu majeur qui est l'écran, parce que oui, pour une fois, on a joué un jeu avec un écran. Est-ce que tu peux nous en parler de cet écran ? Est-ce qu'il t'a été très utile durant la partie ? Est-ce qu'il est très chargé et donc en fait tu as du mal à trouver les infos ? Est-ce qu'il est ergonomique ? Je dirais un peu des deux. Je dirais d'un côté, il y a des rappels qui sont très pratiques. Il est très lisible. Hein, il est assez. Franchement, oui, il est très lisible. Il est bien réparti. Par contre, ouais, il y a des informations. Il y a tellement de règles en fait dans le livre. Que j'ai pas su retenir et que j'ai dû noter dans un classeur à part parce que voilà, elles n'étaient pas du tout dans l'écran de MJ. Et c'est vrai que, à mon avis, il y aurait des informations qui auraient mérité à être dans l'écran du MJ à côté d'autres qui sont un petit peu voilà, Là, par exemple, je vois difficulté et résultat. Il y a une échelle de difficulté qui va de 4 à 20, donc de simple à nécessité un miracle. Et après, il y a un autre tableau par rapport au résultat qui va du double 1 à la réussite critique. Et avec juste voilà, noter des informations, par exemple, si vous faites 9, ben c'est bien, c'est un travail de pro. Enfin, moi, je trouve que ce classeur, en l'occurrence, enfin, ce classeur, ce tableau, il est un petit peu, bon, ben, c'est bien, mais franchement, il y a mieux. Je trouve que cette petite section, même aussi peu, enfin, aussi minime soit-elle, aussi petite soit-elle, je pense qu'il y aurait eu quand même moyen de mettre des informations beaucoup plus importantes dans ce petit tableau, quoi. C'est mon humble avis. Je ne sais pas si d'autres, je sais pas, comme Paul par exemple, qui s'y connaît plus que moi en mastering, qu'est-ce qu'il pense du tableau, enfin, de l'écran. Maître Paul va parler. Je me sens très vieux, alors que non, pas du tout. Je vais aussi demander, vu que j'ai mon confrère Pad qui est à côté de moi, qu'on va analyser tous les deux cet écran. En direct live. Déjà, il y a un aspect très gris qui peut, moi en tout cas, me bloquerait pendant un mastering. C'est que il est très monochrome. Et tout est, tu vois ce que je veux dire, Pat ? Il est très sombre. Et pour les titres, vu qu'ils sont assez proches des mêmes couleurs que les autres, ça peut faire bugger. Après, la taille, c'est assez bien, c'est assez gros. J'ai vu des écrans qui écrivaient bien plus petit. Après, oui, maintenant que j'ai le tableau que tu me disais, que tu disais Camille, l'écran, le tableau des résultats qui fait quasiment un huitième de la page, de la page droite, c'est vrai que ça aurait pu être remplacé par autre chose. Par contre, c'est sympathique qu'ils te mettent un tableau d'exemple de G. C'est pas forcément toujours le cas. Pour précision, un exemple de G, c'est par exemple se déplacer, ce serait employer... vigueur plus agilité, par exemple. Le fait qu'il y ait les numéros de page, c'est très bête, mais c'est ultra pratique que... Tu cherches pas après, pendant ta partie, comme un débile, « Ah purée, c'est haut !» Et là, c'est directement, en plus, en gros, les tests de conditions, déplacement, orientation, les tests de campement. Non, c'est un bon écran. C'est un bon écran. Il y a juste la couleur qui me pose un peu de problème. Et ça, c'est tellement minime. Et toi, Pad ? Non, bah, c'est à peu près la même réflexion. C'est vrai que comme on a dit, quand on demande à faire des actions, vu que c'est pas on n'a pas forcément des compétences ou des caractéristiques précises pour gérer ça, le fait qu'il y ait des exemples, ça peut vraiment aider à orienter le MJ sur les G à demander. Oui, il y a des trucs pour moi qui ne servent pas à grand chose. Par exemple, la description des actions de combat, je verrais plus ça dans une petite aide qu'on donne aux joueurs. Il n'y a pas besoin d'avoir ça sur le tableau du MJ. Pas vraiment d'utilité, je trouve à ça. Après, oui, comme tu dis, il est assez gris, assez monochrome, donc c'est parfois un peu illisible, mais non, on trouve des informations qui sont correctes et cohérentes. Et c'est vrai que le coup de mettre les numéros de page, c'est quand même assez simple si tu veux avoir beaucoup plus de détails. Enfin, le seul truc que j'ai à redire dessus, c'est qu'il est en niveau de gris, quoi. Et enfin, je le vois d'un peu de loin, mais d'ici, j'ai l'impression que c'est plein de petites écritures en valeur de gris et tout. Enfin, quand on voit que la couverture, enfin, ce que les joueurs voient, c'est plein de couleurs, tout l'univers est comme ça, hyper coloré et tout. On arrive derrière, on voit l'écran, et là, c'est des valeurs de gris. Ça fait un peu mal, ça fait triste, et pour un MJ, ça peut être super compliqué de se retrouver dedans. Tout à fait. Tout à fait, tout est un. Alors sur le matos, puisque là, effectivement, je partage cette analyse, c'est vrai que l'écran est hyper coloré, et le recto, et puis le verso, absolument pas. Sur le bouquin, puisque on l'a feuilleté, et puis pour certains lu, vous l'avez trouvé comment, Camille? Personnellement, effectivement, au vu de la couverture très colorée, j'avoue que j'étais un peu frustrée que les pages soient en noir et blanc, du coup. Bon, après, c'est largement compensé par la typo, les petits décors, les petits cadres de pages, etc. Mais en fait, c'est vrai que ça fait assez manga, dans le sens où on a une couverture très colorée qui te montre, voilà, enfin, c'est très joli, très univers manga. Et l'intérieur, direct, tu rentres vraiment dans le format papier noir et blanc. Ça fait vraiment, enfin, Ryutama est un manga, quoi. Kimi ? Alors, par contre, voilà, ce qu'on trouve dans les mangas, c'est que souvent, les premières pages sont en couleur. Et ça manque. En fait, il n'y a pas d'illustration colorée. Dès qu'on arrive, c'est des valeurs de gris. Et voilà, on n'a pas de belles illustrations qui donnent des couleurs, qui donnent une ambiance, qui... toutes les illustrations vont être en valeurs de gris. Et je trouve que ça perd, en fait, de sa beauté. J'aurais bien aimé voir de belles illustrations de dragons, par exemple, en aquarelle, même juste en pastel ou quoi. Mais quelque chose, voilà, qui me redonne... qui me donne l'ambiance du jeu. Et ce que je retrouve quand je lis un manga, bah, par exemple, souvent les premières pages vont être en couleur. Enfin, souvent dans les éditions spéciales, mais bon, très souvent ils font ça. Bref, il y a de la couleur pour donner de l'ambiance, justement, du manga qu'on va lire. C'est vraiment, voilà. Là, on rentre, par exemple, dans un chapitre un peu guerrier, un manga un peu guerrier, bah, la première page... ça va être assez rouge, assez... Voilà, on sait l'ambiance. Et là, je trouve qu'on le voit pas, en fait. C'est vrai que c'est assez frustrant. Enfin, moi, je trouve ça frustrant. Après, je trouve que le livre est vraiment super beau. Hein. La couverture est géniale, la typo, l'organisation des pages, c'est nickel. Mais c'est vrai que le manque de couleurs, c'est frustrant. Ouais, parce que la couverture, l'écran du MJ, donc, vu depuis les joueurs, donne une promesse d'un monde un peu bucolique, d'un monde tout mignon, hyper coloré, qu'on a vachement envie de découvrir. Et puis on voit le livre, c'est des niveaux de gris. On voit le derrière de l'écran, bah, c'est des niveaux de gris aussi. Enfin, je sais pas, ça casse le truc. Et il y a vraiment mais aucune illustration qui a une couleur, même pas une. Et juste une peut-être en début. Voilà, un peu comme l'écran, si ça avait repris même le motif de l'écran en couleur, ou si les liserés qu'on trouve en bord de page avaient été juste colorés un tout petit peu, bah, ça aurait égayé le livre et ça aurait donné l'univers, enfin l'ambiance de l'univers. Donc, même constat qu'optimique, la colorisation du livre, c'est dommage, mais après ça dépend du budget, c'est compliqué. Le papier après est de très bonne qualité. Les illustrations sont quand même assez sympathiques, même si elles sont en noir et blanc. J'aime beaucoup l'aspect BD de certains passages qui sont assez rares dans le jeu de rôle, qui est des bandes dessinées explicatives. C'est bête, mais ça apporte un petit truc. La typo, c'est bien. Le reste, c'est pas mal, hein. C'est bien organisé. Il y a juste quelques points de règle où il y a eu des tournures de phrases qui étaient un peu bizarres, mais ça, la majorité était compréhensible. Mais ça, c'est toujours le lot des livres de JDR où il y a des phrases, tu te dis, mais quoi ? Mais bon, si on commence à regarder ce genre de choses, il faut plus acheter de JDR. Et toi, Jérôme ? Moi, j'ai trouvé le livre hyper agréable à lire, parce qu'il fait quoi, 200, 250 pages ? 200, je crois, 200 pages. Très franchement, il se lit super vite, il est hyper agréable à lire. Après, effectivement, je partage l'avis de Camille, c'est qu'il y a aussi tellement de points, de règles, etc., que même s'il est agréable à lire, au bout d'un moment, on oublie un petit peu tout ce qu'on peut faire. Mais il est vraiment hyper agréable à lire, donc je pense qu'il faut le lire déjà plusieurs fois. Oui, je partage. J'avais pas vu ça en fait, mais Kimi a parfaitement raison. Effectivement, ça aurait été cool d'avoir les premières pages en couleur, même si je suis d'accord, c'est une question de budget, etc. Mais bon, au bout d'un moment, quand t'édites un bouquin. Il n'y a pas de couleur, merde. Surtout qu'ils ont déjà l'écran côté joueur qui est coloré. Ils auraient pu le remettre dedans. Enfin, ça coûte rien. L'illustration est déjà faite. C'est déjà la colo. C'est l'impression après, je pense. Oui, forcément. Mais bon. Bon, après, voilà. Mais. Mais. Vas-y, Camille. Comme par exemple, voilà, il y a les suppléments. eux ne sont pas du tout en couleur. Ils sont vraiment, vraiment en noir et blanc, quoi. Bah, c'est vrai que ça me fait penser. Alors là, on va penser que je vais trash talker, alors que c'est pas du tout l'objectif, quoi. Mais ça m'a fait penser en fait à du doux singe, en fait. Et doux singe avant qu'ils fassent de la souscription, donc avec des suppléments qui étaient pas colorisés, qui étaient en nuances de gris sur du papier de qualité assez moyenne. Et c'est vrai que les suppléments là sur Utama me font un peu penser à ça, quoi. Et je trouve ça un peu bête parce que effectivement il y a de belles illustrations. Après, de mon point de vue, il y a quand même un manque de cohérence en termes d'unicité graphique, parce que l'illustration est très belle de la couverture. L'illustration de l'écran est plus que moyenne, alors qu'en plus, il me semble que c'est une illustration qui a été commandée par Lapin Marteau, mais je ne veux pas le jurer. Et je la trouve vraiment hyper moyenne. Et même à l'intérieur du bouquin de Ryutama, quand on regarde les BD, elles sont super fun. Et puis après, tu passes aux classes de perso et les personnages ne sont pas du tout dans le même état d'esprit. Enfin, tu as l'impression d'avoir un jeu de guerre à un moment donné sur certaines classes de perso. Tu as plus ce côté kawaii, alors qu'ils sont hyper jolis, hyper bien dessinés, mais par contre, tu as plus ce côté kawaii qu'il y a dans le côté bande dessinée avec l'explication des jets de dés, des sauts. Et moi, je trouve qu'il y a, une genre de manque d'unicité, en fait. Tu sais pas trop quand tu le lis. Est-ce que tu fais du kawaii, entre guillemets, en SD, avec des personnages, voilà, ou plutôt des personnages qui sont super classe, à la Final Fantasy pour certains trucs. Enfin, ça, voilà. Moi, je trouve ça un peu dommage, parce qu'effectivement, ça manque de cohérence graphique, en fait. Mais autrement, il est hyper agréable à lire, les illustrations sont très jolies, et même les BD sont hyper agréables à lire. Mais voilà, je trouve qu'il y a un manque de travail sur ça, quoi. C'est un peu dommage pour la cohérence, mais non, après le peu que j'ai feuilleté le bouquin pour la création de perso, il est assez agréable. Donc même le papier, c'est pas un papier qu'on trouve d'ordinaire. Donc, c'est plus un papier manga qu'un papier glacé ou voilà, un peu classique qu'on peut trouver dans les jeux de rôle, assez froid. Là, je trouve que le côté manga est un peu relève un petit peu la chose. Bon, après, par contre, ils auraient pu mettre le sommaire ailleurs qu'à la page 16. Parce que franchement, ça a été un peu la galère à le retrouver. Alors après, il y a une cohérence là, parce qu'ils veulent le présenter selon l'orientation joueur MJ, parce que le livre se décrit de cette manière. Mais c'est vrai que quand on a voulu créer le personnage et chercher la référence à la page, il a fallu quand même feuilleter jusqu'à la page 16 pour s'apercevoir que le sommaire était là, quoi. Donc... pareil, ça c'est du détail, hein, mais c'est vrai qu'il a fallu quand même qu'on feuillette un petit moment afin de trouver l'information pour le renvoi, quoi. Bon, on va zapper la question sur est-ce que c'est plutôt one shot ou campagne, parce que à mon avis, on est tous plutôt d'accord sur le fait que c'est un jeu en campagne. Campagne. Je pense qu'on a tous compris. Est-ce que vous seriez prêt à jouer à ce jeu en campagne, justement? Et est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir une certaine lassitude au bout d'un moment? Camille. Alors, là, je n'ai pas été joueuse, mais MJ. Mais de ce que je sais du livre, c'est vrai qu'il y a... Alors, il faut encore que je lise le supplément Contes d'Orient et d'Occident, mais il y a quand même très peu de lore, du coup, dans le manuel de base. Et c'est vrai que je pense que ça... Au niveau des clés que le jeu donne et de l'ambiance qu'il suggère, à savoir un petit peu voilà, manga, un peu Miyazaki au final, c'est un bon univers, c'est une bonne idée, mais par contre, je pense que pour le faire en campagne, pour pas s'ennuyer, il faut vraiment que le MJ soit un bon MJ et qu'il ait vraiment de bonnes idées pour mettre de bonnes choses sur la route des joueurs, parce que sinon je pense que ça peut vite être du JDR lambda. Kimi. En fait, ce que tu as fait tout seul, c'est-à-dire qu'on avait une fiche de ville pour décrire la ville, et j'ai l'impression qu'en campagne, ça va plus être un JDR participatif où tout le monde va se réunir et on va dire qu'est-ce qu'on crée, où est-ce qu'on va. Et bah, justement, si on n'a pas le JDR, si on n'a pas le MJ qui de lui-même va créer des villes, va créer des environnements, va nous créer une aventure en fait, bah, on va vite se retrouver à se balader. Le MJ va nous dire bah, vous arrivez à une ville et là, pof, on crée la fiche de ville où on l'a fait avant. Et du coup, on va perdre cet esprit de surprise de quand on arrive dans une ville en tant que PJ. Bah, on découvre la ville, on va demander aux gardes, on découvre l'ambiance, voilà, c'est tout ce que nous transmet le MJ à travers ce que lui avait envie de nous faire découvrir. Et ça, ça va se perdre parce que on doit créer ensemble. Enfin, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est ça. C'est ce que veut nous faire faire le jeu, vu qu'il donne quasiment pas de lore. Par exemple, quand on voit les dragons, on a quelques exemples de dragons. Et ouais, c'est plus participatif. Paul ? Pour ma part, en fait, j'ai peur qu'en campagne, ça devienne, au bout d'un moment, ça devienne Pokémon. Mais pas Pokémon, le jeu Pokémon, la série télé. Que... Tu peux expliquer, s'il te plaît ? Oui. Donc, pour les plus jeunes et pour les beaucoup plus vieux d'entre nous, Pokémon, dans la série télé, en fait, c'est Sacha qui part de la ville A pour aller à la ville B. Entre les chemins, il croise un nouveau Pokémon et un dresseur, sur le dresseur. La Team Rocket tente de capturer ce Pokémon. Sacha déjoue le piège de la Team Rocket en utilisant Pikachu. Et à la fin de l'épisode, on n'en reparle plus. Parce que de la ville B, il parle à la ville C, et c'est ça jusqu'à que ça devienne Pokémon Evolution, ou ça devient n'importe quoi à la fin. Je sais pas si c'est compréhensible. En fait, c'est plutôt un enchaînement de scénarios plutôt qu'un fil conducteur. J'ai peur que... Merci, Jérôme. J'ai peur que ça devienne plus une suite de scénarios qu'un cadre de campagne. Par le dragon noir où j'arrive à envisager des cadres de campagne ultra politiques et ultra drama, je n'arrive pas. Excusez-moi, il y a mes confrères et consoeurs font des bêtises autour de moi et je ne peux pas me concentrer. Bad. Je vois très bien le jeu en campagne, mais à mon avis, pour des personnes qui aime tout ce qui est univers japonais. Vraiment, les mangas, le chibi, enfin tout ce qui est merveilleux, parce que je ne suis pas forcément dans cette mouvance-là, mais moi, je ne me verrais pas continuer dans une campagne. Et je suis entièrement d'accord que si c'est aux joueurs de tout faire, ça peut vite devenir très lassant. Moi, je sais que pour ma part, si je n'ai pas un cadre de campagne, même en étant joueur ou en étant MJ, c'est très compliqué, parce que tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu fais. Là, j'ai l'impression qu'ils te donnent juste des clés, mais tu ne sais pas où les poser, en fait. Ils te donnent des pions, ils te racontent l'histoire des dragons, ils racontent un petit peu de l'univers, mais pas forcément de là où c'est ancré, en fait. Et c'est ça, pour moi, qui peut être un peu perturbant sur le long terme. Kimi ? Oui, par exemple, quand tu crées ton personnage, il n'y a pas une carte avec plusieurs villes, comme ce qu'on retrouve de base normalement dans un JDR, c'est-à-dire on a une carte, on a 4-5 régions dessus, et voilà, chacun choisit sa région, on a les attributs de la région. Là, on n'a rien de tout ça, et je trouve que pour un jeu qui se dit pour débutants, c'est quelque chose de très compliqué de faire son background sans avoir de ville, et tout le monde peut créer un peu la ville avec l'ambiance qu'il veut. Enfin, de créer, tout simplement. Oui, de créer, c'est super compliqué au tout début. Enfin, c'est des choses qu'on n'ose pas faire parce que, justement, on a un peu peur. Et ouais, ça peut devenir très, très complexe et ça peut justement freiner les joueurs qui sont débutants, qui vont arriver, pas avoir de cartes, pas avoir tout ça, pas avoir de lore, alors que c'est quelque chose qui est hyper important et ça peut totalement les freiner. Pardon ? Oui, ça vient en plus de me ressauter aux yeux parce que j'ai l'affiche sous les yeux. L'affiche, elle s'appelle une fiche de voyageur. En général, quand tu es un voyageur, c'est que tu as quelque chose à explorer. Là, on a rien de base. Donc, je suis d'accord qu'on peut se mettre d'accord avec le MJ ou quand on fait un groupe de départ, on va dire, voilà, c'est notre ville, ça on connaît, mais aux alentours, on ne connaît pas forcément. Mais si on n'est pas orienté là-dessus et qu'on a du mal à se projeter dans ce qu'on veut faire ou où est-ce qu'on veut aller, je ne vois pas l'intérêt du voyage dans le jeu, en fait. Jimmy. Parce que même pour un MJ débutant, il va devoir commencer par créer toute la carte du monde. ça va devoir être son premier truc, c'est créer toute la carte du monde pour devoir dire à ses joueurs, bah alors là, vous avez par exemple la vallée un peu montagneuse, un peu, voilà, il y a tel dragon qui vit dedans, là, vous avez plus la ville et tout ça. Mais c'est hyper dur, enfin, si c'est ton premier, premier mastering, va créer une carte, quoi. Même pour un MJ confirmé, créer un lore, c'est très compliqué. C'est ce qu'il y a de plus dur, enfin, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus dur, de créer un lore, une histoire, créer la carte, proposer aux joueurs, bah, tu peux venir de tel endroit parce que t'as telle affinité. C'est vraiment quelque chose qui manque. Enfin, ouais, c'est vraiment, voilà, le gros manque qu'il y a dans ce livre, c'est ça. Et c'était même par rapport au bestiaire des dragons. On n'a que quelques exemples de dragons avec 2-3 phrases anecdotiques dessus, mais pas plus. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment, il donne un début et puis ça s'arrête. C'est censé être le cœur du jeu. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le truc que t'attends d'un JDR de débutant, c'est qu'il te fournisse un univers pour toi pouvoir acquérir et utiliser les clés plus techniques, comme par exemple gérer l'initiative, gérer qu'est-ce que tu utilises comme truc parce que machin chose faut faire son action. Mais pas te concentrer sur le lore, sur créer du dragon, créer des villes, ça va. C'est normal dans une campagne de dire, bah, vous arrivez dans un petit bourg, voilà, il se passe ça. Mais devoir vraiment créer tout l'univers, c'est hallucinant, quoi. Camille ? À savoir que ça, en plus, t'es supposé le faire avec les joueurs, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un aspect positif dans le sens où c'est cool d'inciter à la création, parce que c'est vrai que créer, c'est... L'aspect participatif, c'est super chouette. Mais par contre, je suis assez d'accord de dire ce que tu disais tout à l'heure, c'est que oui, ça enlève de la découverte, en fait. Parce que si tu as déjà prévu le week-end dernier que, en fait, la ville, elle s'appelle comme ci, comme ça, et que le secret de la ville, ou je sais pas, sa spécialité, c'est ça et là, c'est vrai que toi, du coup, quand tu es joueur et que tu arrives le week-end d'après, qu'on te dit... Alors, vous arrivez dans cette magnifique ville qui s'appelle Tatata, et puis ils vendent des. Leur spécialité, c'est Tatata. Et maintenant, tu fais, bah oui, connard, c'est nous qui l'avons décidé la dernière fois. Enfin, c'est, voilà, c'est chouette. Et en même temps, c'est assez contradictoire au final. Surtout pour l'aspect voyage le voyage, c'est l'aventure, c'est la découverte, c'est l'inconnu. Mais si quand ton objectif, c'est le voyage, l'inconnu, la découverte, au final, tu sais tout à l'avance, bah, c'est un peu con. Mais par contre, c'est vrai que, oui, du coup, c'est, vu qu'il faut créer un lore, moi, voilà, c'est pour ça que Ryutama, ça me bottait vraiment, c'est que, je sais pas, la couverture, moi qui suis une grande fan de Miyazaki, la couverture directe, moi, j'ai pensé à Miyazaki. J'ai pensé à tous ces univers-là, tout cet aspect fantastique, vraiment les contes avec des bonnes moralités, des super histoires avec des super aventures, des super créatures, des trucs nouveaux qui sortent de l'ordinaire. Mais en fait, c'est vrai que quand on lit le bouquin, on se rend compte que il faut créer l'or. Et du coup, à toi de créer ton Miyazaki au final, parce que ça peut très vite partir complètement juste effectivement en Pokémon ou du fairy tale où tu te retrouves avec des trucs très très, enfin des scénarios en fait littéralement anecdotiques avec c'est vraiment le travail des joueurs et du MJ, surtout du MJ en fait, de créer quelque chose qui se tienne et qui est vraiment du corps. Et là, c'est bon, du coup, c'est chouette parce que le bouquin donne des outils, à savoir par contre la création de villes et de cartes, enfin d'univers, c'est personnellement je trouve que ça reste discutable de le faire ensemble. Il y a quelques informations de quelques outils pour on te donne quelques conseils, mais très peu. Par contre, chose très positive quand même dans le bouquin, c'est qu'il y a toute une section de conseils à la création de scénarios avec des fiches qui te donnent, et ça c'est génial, c'est qu'on te donne une structure, à savoir le scénario, quel est l'objectif du scénario. Donc il y a une fiche objectif, il y a une fiche avec les différents actes et transitions, donc on te donne un découpage de actes 1, 2 et 3 avec des transitions, et une fiche événements où tu peux rentrer dedans plusieurs événements quels vont être en fait les virements de situation. Du coup, ça c'est super chouette pour comme aide à la création. Mais par contre, effectivement, il faut oser. Et pour un débutant, je suis d'accord avec Kimi, c'est pas simple du tout. Mais alors pas du tout, je trouve. Alors, ce que je trouve marrant, c'est que je vais encore une fois pas avoir le même avis. Ou plutôt, je vais avoir un avis un petit peu différent dans le sens où j'ai l'impression que Ryutama en fait se rapproche un peu de des jeux PBTA. Alors on va dire ok, ça n'a rien à voir au niveau de la mécanique et de ce qu'on veut faire, mais dans le côté où dans les jeux PBTA, leur objectif c'est d'émuler un genre, donc les genres drama, le genre super-héros, etc. Et quand tu lis le livre, tu as toute la mécanique pour y arriver. Par contre, tu as intérêt d'avoir la connaissance de ces milieux, de ces univers, etc. Parce qu'il n'y a rien dedans. Et Ryutama, c'est un peu pareil. Tu aimes l'univers japonisant, tu aimes ce genre de fiction, voilà les outils pour le faire. Par contre, je ne vais pas t'expliquer ce que c'est ces univers. Et quand je l'ai relu, parce que effectivement, je l'avais lu quand il était sorti en première version, je l'ai relu là, dans la version anniversaire, c'est vraiment ça. Tu as un petit peu d'univers, comme dans les jeux PBTA, pareil, tu as 4, 10 pages d'univers, et puis ensuite on te dit, mais débrouille-toi mon grand. En gros, tu dois avoir la connaissance de ces univers pour les mettre en jeu. Et c'est vrai que je trouve qu'il se rapproche par l'approche justement de D2. Pad ? Je suis quasiment d'accord avec toi, mais moi la chose qui pêche là-dedans, c'est que c'est censé être un jeu de rôle pour MJ débutant. MJ débutant, il n'a pas forcément ces clés-là. Ben, pour moi, le MJ débutant n'est pas un MJ ignorant. Je suis d'accord, mais... Pour moi, c'est un MJ débutant, mais qui a une culture manga avant. Il n'a pas les clés pour être MJ, donc il n'a pas les clés pour créer un scénario, il n'a pas les clés pour créer une ville, il n'a pas les clés pour gérer des jets de dés parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Par contre, c'est un MJ qui connaît et qui a une culture manga ou jeu vidéo, parce qu'on parle manga, mais en fait, c'est très jeu vidéo aussi. Il a ces clés-là, il a les codes, par contre, effectivement, il ne sait pas les mettre en œuvre. Et je trouve que Ryutama te donne plein de clés sur créer la ville, créer un univers, comment créer un scénario, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé encore, mais je trouve que même si c'est très archétypal, d'avoir un début, un développement, une fin et des transitions, ça paraît con, mais quand on n'a jamais écrit de scénario, c'est une aide. Bien sûr, il faudra t'en sortir à un moment donné de ça, mais quand tu es débutant, c'est super sympa de réfléchir, à dire alors comment ça débute, comment ça finit, comment je fais pour développer, et c'est quoi les événements aléatoires ou les twists en fait. Donc, moi, franchement, je trouve ça plutôt bien fait, mais effectivement, il faut avoir une culture japanime, jeux vidéo japonais, etc. quoi. Et pareil, parce que je fais trop de jeux propulsés par Apocalypse, moi je trouve ça super cool de créer ensemble les villes et ou l'univers, non pas parce que ça enlève la découverte, ok, j'avoue. Par contre, vu qu'on crée ensemble, en fait, on met des éléments que nous, on a envie de voir dans le jeu. Et plutôt que d'arriver et s'engager sur une campagne, parce qu'on est quand même plutôt sur un mode campagne, où le MJ a une vision du jeu avec « je veux faire un jeu avec tel événement, tel drame, telle ville, etc. » et où en fait, toi, t'arrives joueur et en fait, c'est pas du tout ce que t'as envie de jouer, au moins là, on se met d'accord sur les différentes villes, sur l'univers au global, ce qui n'empêche pas que le MJ peut rajouter des éléments, mais au moins on se met d'accord sur une base et sur qu'est-ce que j'ai envie de jouer. Après, c'est vrai que ça sera au MJ de l'alimenter, etc. Mais au moins on se met tous d'accord autour de la table sur voilà l'ambiance que j'ai envie de jouer. Si j'ai envie de jouer une ville dans les étoiles ou sur les nuages, on y va. Ou si je veux un truc qui se joue plutôt dans l'Underdark, on ira. Mais au moins, on se mettra tous d'accord sur ça. Après, effectivement, le MJ devra faire le boulot derrière. Mais c'est pour ça que moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. Mais par contre, on est d'accord, ça enlève le côté découverte, spontanéité et émerveillement de la ville. Ça, c'est sûr. Paul ? Je comprends ce que tu veux dire par l'aspect PBTA. Mais à la différence, c'est que là, je n'ai pas l'impression qu'on aurait suffisamment de temps dans une ville pour que l'aspect création soit pas problématique. Là, si on reprend par exemple ce qu'on est en train de faire sur Monster of the Week, là on a créé une carte immense, On sait tout de toi comme les autres joueurs à notre table, on sait très bien que dans un an, on n'aura pas fait le tour. Alors que là, c'est les fiches de ville, elles sont juste là pour dire là il y a une ville, là il y a ci, là il y a ça, là il y a ici, là il y a ça. Et pour qu'on parte en fait rapidement ailleurs. Il n'y a pas suffisamment d'ouverture de scénaristique pour qu'on s'y attarde. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire. Oui, oui. Après, c'est un jeu de voyage. Hein. Oui, oui. Donc, c'est un jeu de voyage. C'est comme si tu reprochais au Seigneur des Anneaux de passer trop de temps sur la route, tu vois. Mais moi, ça me fait chier tout ce camping, la sauvage. Là. Mais il ne faut pas jouer à ce jeu, alors, en fait. Non, parce que le problème, c'est que. Non, mais tu vois, c'est un jeu de voyage. Donc, qu'effectivement, la partie ville. Tu ne vas pas y jouer pendant un an dedans, je suis assez d'accord. Après, même si on pourra te dire, mais si tu peux le faire, oui, bien sûr, on peut le faire. Okay. Mais c'est un jeu de voyage, donc bien sûr que l'objectif, c'est de changer et de climat, parce qu'il y a le climat qui joue, et de paysage, parce que ça aussi, ça a un effet sur la difficulté des jets de dés, la difficulté des conditions, etc. Donc tout ça a un effet, mais c'est un jeu de voyage. Donc, les villes sont des points d'étape, mais ce sont des points d'étape, en fait. Donc ce n'est pas le cœur du jeu. Ça en fait partie pour le matos, pour plein de choses. Mais pour moi, je le vois comme un jeu de voyage. C'est bien une fiche de voyageur que l'on a. On est appelé des voyageurs pendant tout le livre, etc. Donc, les villes, c'est des points d'étape. Alors, c'est sûr, quand tu veux jouer en urbain, c'est plus compliqué. Mais c'est peut-être pas le bon jeu non plus, en fait. Kimi ? Mais après, je me demande, en fait, s'il y a un MJ, donc débutant, pour lequel c'est sa première partie, qui n'est pas ignorant, qui a déjà fait, par exemple, en tant que PJ, va passer du temps à créer un lore, à créer des paysages, à créer des choses comme ça, parce que c'est vachement lourd à faire quand même, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, et va pas juste se satisfaire de prendre un scénario qu'il a trouvé, et puis au final, on fait cette ville, et puis un peu cette ville ou ce lieu, et c'est un peu décousu, et enfin voilà, je sais pas si ça va perdre, parce que au final, juste mettre une carte des environs avec des montagnes, avec des choses comme ça, et mettre, il y a 4 régions, ça coûte rien, ça empêche pas le joueur de vouloir développer son univers dedans, ça donne juste ça donne une clé en plus, en fait. Et le MJ peut très bien s'en défaire et dire, moi, je veux créer tout mon univers et je ne suis pas à ça, mais je trouve que ça aurait été quelque chose d'intéressant à intégrer, soit juste, par exemple, une page avec une carte dessus pour dire, voilà un exemple, voilà à quoi peut ressembler le monde de Ryutama, et si tu ne veux pas t'embêter à faire toi-même la carte, et là, voilà, tu peux l'utiliser. Pad ? Oui, c'est un peu... Enfin, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu une zone de départ dans un jeu ou un truc comme ça. Tu dis, tu connais cet endroit-là. Après, explore le monde et va voir ce qu'il y a ailleurs. Alors, j'ai envie de poser la question, en fait, à Camille, parce qu'on a le cas concret, en fait. Première masterisation sur ce jeu. Pourquoi tu as fait le choix de prendre un des scénarios d'initiation de Ryutama et pas créer un scénario toi-même ? Tout simplement parce que je ne m'en sens pas capable. Je pense que j'ai... En fait, même s'il y a toute une aide à la création, je ne me sens clairement pas, pour un début de mastering, à me dire « Allez, c'est parti, je vais créer et puis je vais trouver... » Enfin, c'est en fait, même si tout le monde... Ça l'a porté tout le monde, hein, parce que... voilà, on a tous vu des films, lu des livres, des mangas, joué à des jeux vidéo, etc. Donc, on connaît tous, on sait que comment se déroule une histoire. Il y a des personnages avec une histoire, un background dans tel univers, avec telle ambiance, et puis d'un coup, il y a une action, il y a un changement de situation, il y a une espèce de truc qui se passe, et puis c'est l'aventure ou pas. Hein, mais par contre, pour le créer soi-même, moi, enfin, c'est un métier quand même. Voilà, il faut se dire que dans le cinéma, il y a des scénaristes, il y a des réalisateurs, il y a des écrivains, c'est des gens qui c'est vraiment leur métier. Et c'est surtout pour un début de mastering. Moi, je me suis dit, alors il faudra bien que je le fasse un jour si je veux apprendre à créer. Mais par contre, là, au tout début, je préférais me cantonner à quelque chose qui a déjà été créé pour voir un petit peu comment c'est, en fait, avant de directement me lancer dedans, au risque de créer quelque chose qui soit totalement nul, en fait. parce que honnêtement, je même si, enfin ouais, je me sentais pas ouais de créer quelque chose. Ouais, j'aurais eu vraiment peur en fait de faire quelque chose qui soit où il n'y ait pas assez d'action ou où les joueurs soient pas assez satisfaits en fait. Déjà que j'avais peur de pas gérer en fait le scénario d'initiation. Je veux dire, en plus, si j'avais dû le créer derrière, j'aurais été de 30 fois plus stressé quoi. Enfin, ça m'aurait... la panique totale quoi. Après, enfin, pour te rassurer et te déstresser. Je connais très peu d'auteurs de JDR qui sont des professionnels, hein, dans le sens des professionnels, des scénaristes, etc. Hein. Donc, il faut aussi descendre d'un cran quand même. On ne s'adresse pas à du cinéma, de la télé. Et oui, pourtant, il y a de très mauvais scénaristes en télé et en cinéma, soyons clairs. Enfin, tu vois, il faut relativiser aussi, ça reste du jeu de rôle. Très franchement, le scénario d'initiation, c'est un scénario d'initiation. Donc, attention, hein, je ne critique pas, hein, mais il ne casse pas trois pattes à un canard. Je veux dire, hein, il y a une bande de chats qui volent un objet, on va chercher l'objet, on le récupère, c'est fini. Donc là, il n'y a pas une complexité shakespearienne dans le scénario non plus, tu vois. Et pourtant, je ne suis pas certain qu'on ait passé une mauvaise après-midi à le jouer. Loin de là, tu vois. Donc je pense qu'il y a... Et je comprends cette crainte, parce que enfin, moi je l'ai vécu en tout cas, surtout la première masterisation. Mais après, tu relativises vachement, en fait. Hein. Là, tu vois, tu as deux événements, ça nous a duré 2 heures, on a passé un super moment. Et pourtant, le scénario, quand tu le regardes, excuse-moi, quoi. Oui, oui, bien sûr. Enfin, je sais bien que voilà, il n'y a pas besoin non plus d'être un grand scénariste, genre, je suis Spielberg et je vais faire de votre partie la meilleure du monde. Mais c'est encore que... Bon, c'est, ouais. Mais du coup... bien sûr, il faut pas trop se mettre la pression dessus, mais voilà, moi pour un début, j'allais pas me lancer. Il faut oser en fait. Il faut oser. Par contre aussi, une chose que j'ai pas dit, mais qui est aussi important, c'est que pourquoi aussi j'ai pas voulu créer de scénario pour la première fois, c'est que je me suis dit déjà, j'aimerais bien me familiariser aussi avec les règles du jeu, dans le sens où là, comme c'est un jeu avec des règles très complètes. Il faut le faire parce que déjà il faut retenir ça. C'est donc je pense que c'est plus facile de créer un scénario de Ryutama une fois qu'on s'est familiarisé avec les règles. Comme ça, après, quand on crée le scénario, on peut se dire ben voilà, je sais qu'à ce moment-là, les joueurs ils devront faire, je sais pas, un test de condition ou ils devront faire un test de campement. Et du coup, voilà, il vaut mieux d'abord, je pense. Tester au moins les scénars qu'il y a dans le manuel, parce que au moins ça permet de ça, parce que en plus les scénars ils te le disent, les passages où tu dois te faire un test de campement, on te dit dans l'objectif de l'événement, on te dit ben là voilà, il y a les joueurs après leur test de campement ou après leur test de condition, ils vont devoir faire ci ou là, donc au moins on sait où est-ce que ça se place. Il y a cet avantage là aussi dans le... Alors, par contre, j'aimerais poser la question aux autres personnes autour de la table, hein, parce que j'entends parfaitement tout un argumentaire, il n'y a aucun souci. Par contre, moi je sais que quand je maîtrise un scénario écrit par quelqu'un d'autre, mais ça me prend une énergie folle pour me rappeler les scènes, me rappeler les moments prévus, etc. Et si en plus il faut que je me rappelle des règles, très franchement, je préfère créer un scénario, parce que si je l'ai créé, je me le suis approprié de base, et je peux me concentrer que sur la partie règles en fait. Et c'est vrai que je déteste faire jouer un scénario écrit parce que je sais que ça me donne une énergie folle de retenir les différentes étapes, etc., le comprendre. Alors, d'accord, hein, on parle machin. Et c'est vrai, je trouve que ça rajoute un step supplémentaire quand en plus tu veux maîtriser les règles. Enfin, je trouve que ça rajoute encore une pression supplémentaire. Paul ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je déteste jouer un scénario officiel. Moi, c'est pas le fait de le détester, mais c'est juste qu'en fait, en plus, quand tu es MJ débutant, tu vas vouloir bien maîtriser tes règles, et en plus il va falloir que tu maîtrises le scénario. Exactement. Et je trouve que ça fait une surcharge cognitive en fait au bout d'un moment, parce qu'il va falloir que tu te rappelles de telle scène, de tel moment, parce que ça s'enchaîne bien, et puis mais c'est quel jeu qui était prévu, parce qu'en fait mince, je l'ai pas fait, et puis tu t'aperçois que les joueurs c'est des êtres vivants qui vont te demander de faire des jeux que je n'ai pas prévu, et mince, il faut que je me replonge dans les règles. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup de choses quoi. Pad? Moi, pour ma part, quand j'ai souvent fait cette approche-là, c'est que quand je découvrais un jeu, je lisais les règles, mais je ma première partie c'était en tant que joueur et j'ai toujours voulu faire ça pour comprendre. Et en général, j'ai essayé de que quelqu'un me fasse jouer le scénario d'initiation pour que moi je puisse le faire après à d'autres et me l'approprier. Donc déjà l'avoir joué, ça te donne déjà une idée sur comment il se déroule, même si tu n'as pas vu tous les aspects puisque tu étais joueur. Mais au moins, ça te donne l'aspect de la chose. Tu sais à peu près les moments clés. Tu commences à avoir un petit peu les règles en tête puisque tu y as déjà joué. Et c'est, pour moi, c'est un peu plus simple de voir cette approche-là. C'est vrai que j'ai quasiment jamais masterisé un jeu que je n'avais pas déjà joué. Sur le fait de comment masteriser un scénario ou une campagne écrite, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps parce que j'ai fini une campagne Pathfinder de 2 ans où c'est très compliqué à garder les joueurs en ligne avec ton scénario parce que c'est pas toi qui le maîtrises. Enfin, oui, tu le maîtrises, mais dans le sens où c'est pas toi qui l'as écrit, donc tu sais pas comment tu peux refaire venir les joueurs correctement. Et là, je suis passé sur complètement autre chose. J'ai juste pris un cadre de campagne pour Donjons et Dragons. Et bah, c'est moi, je fais mes scénarios et au fur et à mesure. Je m'appuie sur les joueurs, je m'appuie sur ce qu'ils font, je m'appuie sur leur background pour savoir comment avancer. Et je trouve ça 10 fois plus amusant et c'est complètement, c'est beaucoup plus détendu à ce niveau-là. Parce que tu avances au fur et à mesure. En général, quand tu as une campagne, bah, tu lis le bouquin de la campagne pour savoir où ça va. Donc déjà, tu as un très très gros boulot avant de faire jouer ce jeu-là. Donc c'est vrai que les scénarios écrits comme ça, pour les initiations, c'est très très bien, puisque voilà, ça te permet de te mettre dans le jeu, même pour le MJ. Mais après, c'est vrai qu'il faut, il faut être un petit peu créatif et partir dans quelque chose. Après, je suis sûr qu'il y a des personnes qui savent très bien le faire en prenant ce que. On voit le nombre de campagnes sur tous les jeux qui peuvent exister, tout ce qui a été écrit, ça n'a pas été écrit pour rien. Mais voilà, après, c'est vraiment le ressenti des MJ à ce niveau-là. Kimi ? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Pad. Après, moi, tous les scénarios que j'ai faits, c'était plus des one-shots, parce que j'habitais au milieu de la montagne, hein, donc je n'avais pas souvent les mêmes personnes avec pour qui jouer. Et c'était souvent très éloigné, donc on ne se souvenait plus de rien. Genre, des fois, il y a des parties qui avaient un an d'écart. Donc, c'était très souvent des one-shots. Et du coup, j'utilisais les scénarios pré-écrits comme cadre. En fait, ça me donnait vraiment une base. Je ne suivais pas du tout le truc. Mais par exemple, j'allais lire un scénario écrit par un fan et je voyais que tiens, il a créé tel personnage. Je le kiffais, ce personnage. Et du coup, je me suis dit, je peux l'utiliser, je peux incorporer ce que lui est. Mais voilà, j'ai jamais, je crois, utilisé, à part pour vraiment de la grosse initiation, j'ai jamais suivi un scénario déjà écrit où je dois me rappeler à quel moment je dois faire un lancer dé. Enfin, pour moi, ça me paraît être un truc de fou de réussir à se souvenir de ça. C'est vraiment un truc, je sais que je n'y arriverai jamais parce que je pense à 15 000 choses en même temps. Et ouais, non, je suis d'accord avec Pat sur ça. C'est... sur un scénario vraiment parce qu'il a été prévu faire genre le lancer dé à ce moment-là, je sais pas comment ça peut être possible en fait. Camille. Après, je pense aussi ça dépend vraiment en fait de la personne, parce que c'est vrai qu'il y a des gens quand ils vont masteriser, ils vont penser à toute vitesse, ils vont avoir plein d'informations. Moi, pour mon premier mastering, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, au final, j'étais bien contente d'avoir le scénario sous les yeux parce qu'en fait, j'avais plus de cerveau. Genre vraiment, mon cerveau s'est éteint et du coup, je me suis retrouvée à vraiment être là, genre, alors, c'est quoi déjà les règles du jeu? J'ai lu le bouquin, mais alors aucun souvenir, quoi. Enfin, vraiment, qu'est-ce qu'on fait quand on se bat? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des dés? Ah oui, bon, d'accord, très bien. C'est vraiment, j'ai perdu totalement l'utilité de mon cerveau pendant le mastering. Donc au final, j'étais... Mais ça, voilà, c'est parce que c'est la première fois et du coup, c'est vrai que je me sentais un peu perdue, de voir en plus, en fait, tellement d'informations auxquelles penser qu'au final, on ne pense à plus rien du tout. Donc du coup, j'étais bien contente d'avoir ça. Mais j'espère, comme vous, avoir l'occasion du coup de créer mon propre scénario, parce que peut-être qu'effectivement, vous semblez tous le dire, c'est quand même... peut-être plus facile de gérer les règles quand on connaît, quand on n'a pas à se soucier en plus d'un scénar. Mais c'est vrai que ne l'ayant jamais fait, je me rends pas vraiment compte en fait de ce que ça représente. Paul? Bah, en fait, moi, j'ai du mal avec les scénarios pré-écrits. Parce que, en fait, quand je lis un scénario, j'ai l'impression qu'on m'impose un genre. Quand je lis un livre de jeu de rôle, j'ai une idée fixe de ce que je vois, de ce que je m'imagine, et j'ai pas d'exemple en tête. Et quand je lis un scénario, je vois un truc complètement à l'opposé de ce que j'ai lu. Donc, je me dis, mais non, moi, je vois, par exemple, je vois ce lieu comme ça et pas comme ça. Ça peut bloquer la création parce que tu peux te dire, mais attends, c'est moi qui n'ai rien compris au jeu ou c'est l'auteur qui n'a même pas compris son propre jeu. Donc c'est pour ça, moi, je suis plus dans la création perpétuelle, voire dans l'improvisation de scénario. Là, il y a tous les joueurs autour de la table qui m'ont regardé en mode, eh ouais, on le sait. Mais toujours dans un aspect cadré. Je me crée d'abord le cadre, puis là, j'ai encore les joueurs qui me regardent de manière très critique. Non, je crée un cadre et je sais où est-ce que je vais dans ce cadre, même si les gens ne suivent pas mon cadre. C'est bon, j'ai répondu à ta propre question. J'adore. Alors maintenant qu'on a pas mal débriefé sur le jeu, même s'il y aurait sûrement plein d'autres choses à dire, est-ce que vous rejoueriez à ce jeu, Camille? Moi, j'aimerais bien y jouer. Tout court. Pour ma part, oui, j'aimerais bien y rejouer. Plus sur une micro-campagne, 2-3 sessions, peut-être 4-5, mais pas plus. Pan? Oui, jouer, pourquoi pas, oui, faire des one-shots. Comme je disais, je n'étais pas forcément sur le long terme à ce niveau-là pour une campagne, mais oui, quelques one-shots, ça peut être sympa, et pourquoi pas éventuellement le masteriser. Ouais. Kimi ? Pareil, en fait, ce serait plus sur une micro-campagne, je ne me vois pas passer 1 an ou 2 ans dessus, clairement pas, alors pas du tout. Par contre, ouais, faire 3-4 parties comme ça pour entraîner un MJ, ou même juste pour le fun, ça peut, pour changer d'univers ou quoi, ça peut être sympa. Alors moi aussi, j'y rejouerais bien, et où je le maîtriserais bien. Au début du podcast, je parlais de mon histoire un peu compliquée avec Ryutama. J'avais pledgé la première version, en fait. Et quand je l'ai lu, j'étais un peu dans le même mode que Pad, en fait, tout à l'heure. Où, quand j'ai lu, j'ai dit, mais aucun intérêt, quoi. Alors, il n'a pas dit ça, Pad, hein. Mais moi, je l'ai dit, en tout cas. J'ai dit, mais aucun intérêt, en fait, parce que il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas... Il n'y a pas ce qui donne envie d'aller de l'avant. Ok, on fait un voyage et aventure, mais bon, le côté aventure était résumé à pas grand-chose. Et très franchement, j'avais été hyper déçu, mais parce que je m'étais fait une image autre du jeu. Et puis, là, la version anniversaire est arrivée. Et puis, entre-temps, je suis devenu papa. Et je reconnais qu'en ayant relu le jeu, je me suis dit, ouais, un univers un peu mignon, sympa, avec des petites aventures... etc. Pour les enfants, ça marche bien, quoi. Enfin, je pense que ça marche bien. Le système est un peu trop compliqué encore, donc il y aura d'abord du My Little Pony avec ma fille en premier lieu, et en deuxième lieu, il y aura probablement du Ryutama. Mais oui, je pense que avec cet événement de ma vie, ça m'a fait comprendre l'intérêt, justement, d'un jeu feel good, un jeu qui est positif. Je pense que je le réutiliserai aussi dans ce cadre-là. C'est sûr que c'est pas un jeu comme vous. C'est clair, je ne jouerai pas en campagne pendant 1 an, 2 ans, c'est impossible pour moi. Mais le rejouer, le faire jouer comme ça, oui, je pense clairement, oui, en l'allégeant clairement aussi, hein, l'encombrement, la gestion de l'équipement, etc., je le balancerai. Hein. Mais oui, sur une petite aventure avec tu jettes 2 dés, tu fais la somme, ça fera travailler les maths à ma fille comme ça en même temps, hein, mais de manière ludique. Ouais, je pense que probablement que je le ferai faire, ouais, c'est sûr. Et pour terminer, alors la question rituelle qui est quel est votre dernier mot, Camille? Miyazaki. Paul? Merci à Lapin Marteau pour ce jeu. Parce qu'on les a bien critiqués méchamment, non pas méchamment, de manière incisive dans ce podcast, mais c'était pas méchant. Vegani. Pad? Moi je dirais juste Kawaii. Il ne reste plus que Kimi pour parler. Je vais dire Japanimation. C'est toi, Jean. Merci à tous. Non, merci à tous pour cette partie. Merci Camille, parce que franchement, ça fait hyper plaisir que tu nous aies proposé de jouer à ce jeu. Et en plus, que ce soit ta première masterisation, franchement, ça fait super plaisir. Et puis merci, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir discuté. Probablement qu'on a peut-être été incisif sur certains points, mais bon. Bon, mais merci à tous encore. Merci. À bientôt, j'espère. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bye bye tout le monde.